Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy dans cet épisode exceptionnel de One Shot entre les murs pour l'univers, le jeu de rôle de Notes. Ce soir, nous allons jouer en bonne compagnie puisque nous allons avoir autour de la table Doc. Hello. Hergé. Salut. Riley. Salut. Et Time Sidious. Salut. Donc on va démarrer directement dans ce scénario qui se trouve être un huis clos. Normalement, on devrait le terminer en une seule séance, ce qui devrait du coup être parfait pour le montage et la diffusion. On joue où ? On joue dans un bloc qui s'appelle Olomoth, que je n'irai pas trop détailler. On viendra peut-être plus tard dans de nouveaux épisodes. Olomoth qui se trouve donc en Tchéquie, ancienne Tchéquie. Un bloc qui a eu son indépendance suite à un événement assez dramatique où, faisant partie d'un autre bloc, il y a eu un mauvais moment à passer, des murs qui se sont effondrés, et ce moment-là s'est montré plutôt salvateur pour lui, qui lui a permis en fait d'obtenir son indépendance. Cependant, il se montre aussi plutôt dépendant, lui, sa manière, des autres blocs qui l'entourent, en particulier de celui de Prague et de celui qui est plus au nord. On va jouer dans un bloc de banlieue en périphérie du centre-ville, dans un immeuble que les personnages, nos joueurs ce soir, habitent tous ensemble. On verra bien ce que ça va donner, mais normalement ça devrait bouger. On a donc quatre personnages qui sont Antonin Slezak, un érudit, Bodan Rutt, qui a comme archétype misérable, Pavel Dvorak, ouais, qui est fonctionnaire, et Vlasta Yanov, je pense que je vais dire Yanov, oui. Qui a un archétype de détective. Donc vous êtes tous des habitants, cet immeuble d'habitation, architecture brutaliste, béton brut, très carré, angles saillants, très peu de décoration, si ce n'est peut-être les couloirs qui sont régulièrement envahis par des affichettes de propagande de l'administration, voire parfois de personnes qui viennent plutôt se plaindre de ce qui se passe actuellement dans le bloc. On a nos personnages qui se trouvent à habiter cet immeuble de 3 étages. Le rez-de-chaussée, quant à lui, est dédié à des petits commerces. Il y a 2 petits commerces et il y a des emplacements de stockage. Le premier étage est habité, alors pas tout le premier bien sûr, par Antonin Slezak, tandis que Vlasta Yanov, elle, habite le troisième. Nos deux comparses, Bodan et Pavel, eux, habitent le second. Ils sont donc au milieu de ces deux personnages. Les appartements sont faits de manière identique. Je vous invite à consulter le plan qui est apparu sur vos écrans. Et on y est là de manière assez spartiate. Dans Notes, on a l'artefact, l'objet de Dieu, qui, à des moments, provoque des pluies de fiel, une espèce de substance noire, corruptrice, empoisonnée, qu'on n'aime pas du tout. Et ce qui fait que vos appartements ne sont dotés que d'une seule pauvre fenêtre, qui de toute façon ne donne que sur des lumières artificielles, puisqu'il n'y a plus de ciel à voir, plus de soleil qui se lève depuis on ne sait quand. Et pour éviter toute brèche de fiel à l'intérieur, autant éviter les ouvertures. L'intérieur de vos appartements sont décorés par vos soins, mais là aussi se trouve être limité par ce que les tickets de rationnement qu'on vous donne vous permettent d'acheter en ameublement et aussi en habillage. Vous êtes tous les quatre prêt à entamer votre quart de travail et vous apprêter à quitter chacun vos appartements respectifs. J'aimerais donc, et je vous y invite, à faire un tour de table pour savoir comment s'organise votre petit train-train et comment vous voyez le départ de votre personnage dans les, dans une heure, il doit embrayer. Qu'est-ce qu'il fait avant de partir ? Je vais commencer par Antonin. Alors, Antonin est un personnage assez rigoureux et très très carré. Du coup, son heure de préparation avant son quart de travail, elle est tout le temps ritualisée. Donc c'est d'abord une bonne douche pour se mettre au frais, un café s'il y en a. Et il va toujours s'assurer que son appartement soit parfaitement impeccable avant de quitter les lieux. Et en partant, il prendra toujours avec lui son petit bloc et son crayon pour pouvoir noter un peu tout ce qu'il voit, tout ce qu'il observe, tout ce qu'il l'intérêt, c'est l'intrigue. Excellent. Pavel, comment toi tu as ta routine ? Bien un petit peu de la même manière que mon voisin Antonin, hein, Pavel, il est à l'image de tous les habitants du bloc, fade et quelconque. Donc sa routine est également toujours la même, il se lève toujours à la même heure, il prend sa douche qui dure toujours le même temps, il s'installe sur sa petite table en regardant auprès de sa fenêtre ces lumières diffuses qui tombent au fur et à mesure, toujours en suivant le même rituel. Il ne regarde même plus ce qu'il fait, c'est devenu mécanique. Peut-être que son travail de fonctionnaire a déteint au fil des années sur sa vie de tous les jours. Et toujours à la même heure, sans une seconde de décalage, il prend ses clés, il met son veston un peu décousu, mais qu'il tend à garder de manière un petit peu noble. Et il ouvre sa porte, salue du regard et d'un petit hochement de tête son voisin qu'il croise toujours également à la même heure avant de partir au travail. Parfait. Bodan, quant à toi, la routine de Bodan, elle ressemble... Je suis content de sortir de mon appart parce que je le trouve pourri, j'en ai un peu marre de ma vie, mais je me tais, évidemment, parce que j'ai pas envie trop de me plaindre. Se plaindre, c'est se faire remarquer. Oui. Voilà, je cultive à l'intérieur de moi une grosse, grosse frustration qui s'est transformée en lassitude. Et j'espère... voilà, saisir la moindre opportunité qui me permettra de voir un rayon de lumière dans cet univers très sombre. Et quant à toi, Vlasta, comment s'organise ton prochain départ ? Eh bien, Vlasta, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, toujours très élégante. Du coup, je me lève tôt pour me préparer, d'autant plus que je suis un peu nouvelle, donc j'essaye de faire bonne figure. Et donc j'ai des très beaux vêtements, un peu plus élevés que la moyenne, tu vois, toujours en très bon état. Et j'ai mes petites routines, je fais un peu de sport le matin, un bon petit déjeuner, enfin si j'ai de quoi l'acheter en tout cas. Et j'essaie de pas faire de vagues. Ok, parfait. Donc le départ, votre sortie d'appartement ou votre sortie proche va être perturbée par un événement. Qui malheureusement va être assez dramatique. C'est Pavel qui, d'ailleurs, sortait là dans sa phrase, quittait à peine son appartement. Tu aperçois de l'autre côté du palier. Donc je t'invite à reprendre le plan. Il y a le rectangle central qui est en fait un puits qui traverse du sol au plafond l'immeuble et les escaliers qui sont de chaque côté qui permettent de manœuvrer. De l'autre côté du palier, juste en face, tu as la logeuse qui ouvre la porte d'un habitant, un citoyen qui semble ne être assez discret. C'est quelqu'un que tu voyais peu, tu connaissais à peine son nom. Et elle ouvre la porte et très vite, tu l'entends hurler. Et c'est un hurlement qui retentit dans tout l'immeuble, suffisamment pour que chacun... l'entendent. Comme tu es le premier de sortie, Pavel, je te demande comment tu réagis à ça. Quand j'entends le hurlement, en fait, ça brise ma routine. Donc, j'ai un petit moment de latence où tout se mélange dans mon cerveau. Il y a le côté, si j'attends un peu trop, je vais arriver en retard au travail, ça ne m'est jamais arrivé. Et je commence à réfléchir à toutes ces conséquences-là, mais d'un autre côté... Il ne se passe jamais rien d'inhabituel. C'est aussi quelque chose qui, moi, me conforte. Et il y a cette petite chose qui, inconsciemment, va me pousser à aller voir ce qui se passe. Du coup, j'y vais d'un pas tout en regardant autour de moi. On ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un observe ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus anormal que ce cri-là ? Et je vais me diriger vers la pièce en question. Ok. Je vais juste demander, Bodan, toi, comment tu réagis ? Tu es sur le même palier. Tu es peut-être même le voisin de Pavel. C'est sans doute même le voisin de Pavel, j'y pense. Oui. Ouais, ben je vais suivre Pavel, mais de loin, quoi, d'un œil distrait. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un doit se faire choper, ce sera Pavel et pas moi, quoi. Ok, ça marche. Donc un peu plus de distance, un peu en retrait, mais suffisamment pour voir ce qui se passe, quoi. Exactement, ouais. Ok, ça marche. Pour Antonin et Vlasta, toi, tu entends ça hurler, ça vient d'au-dessus, puisque tu es au premier et que la logeuse est au deuxième. Eh bien, moi, du coup, je suis hyper excité à l'idée de voilà, quelque chose il se passe quelque chose, donc je suis complètement cassé dans ma routine également, et pour le coup je vais me diriger très nerveusement vers les étages supérieurs, sans réellement finalement prêter attention à une quelconque forme de discrétion qu'il faudrait avoir et que j'ai l'habitude de vivre au quotidien dans cet environnement qu'est le nôtre. Ok, parfait. Et toi Vlastin ? Moi c'est le genre de cri qui m'excite. Ah. Donc dès que je l'entends, je me précipite vers la de là où vient le cri en fait, hein, tout simplement, sans être discret non plus. Je vis pour ce genre de moment et il y en a très peu évidemment. Donc très bien. Vous allez avoir la scène où on va avoir cette image de Pavel qui va s'approcher donc de la logeuse qui a poussé son hurlement. C'est reculé de quelques pas, la main portée contre sa bouche en signe de terreur, de peur, d'effroi. Tu la vois qu'elle fixe l'intérieur de l'appartement, la porte est battante et s'ouvre sur ses gonds, et tu vas apercevoir le corps face contre terre d'une silhouette, sans doute l'occupant, que tu connais sous le nom de Herbert. Ça, c'est quelque chose que Bodan aussi, tu vas donc apercevoir de plus loin. L'homme semble être, comme je disais, face contre terre, mais il a son manteau sur le dos. Il n'y a pas l'air d'avoir, pour toi, Pavel, de traces de sang ou quoi. Pour l'instant, rien d'évident dans ce qui se passe. En tout cas, il a l'air d'être bien raide et de ne pas bouger. Et la logeuse finit par détourner le regard, te voit, Pavel. Toi et ton visage plutôt doux et calme, elle va essayer de retrouver du réconfort vers toi et va se rapprocher en te tenant fébrilement la manche au niveau de l'avant-bras, en essayant de reprendre ses paroles, de reprendre ses esprits, pardon, dans plusieurs sanglots, alors que Antonin et Vlasta, vous allez apercevoir là, donc plutôt cette scène maintenant en arrivant, où Bodan est un peu en retrait, il se penche à droite à gauche, pour voir ce qui se passe au niveau de l'appartement d'Herbert, et Pavel qui est en contact avec la logeuse, qui est elle-même dans un état d'effroi des plus totales. Vous apercevez que la porte d'ouverte, c'est celui d'un voisin que vous connaissez de loin, mais que vous connaissez tout de même, qui s'appelle Herbert. Je vais vous transmettre chacun un petit message qui se trouvera dans le journal, si jamais vous avez besoin d'y accéder. Vous avez eu toutes et tous quelque chose qui s'est passé avec ce Herbert, un peu peut-être questionnant. En tout cas, je vous laisserai méditer là-dessus. Et comment comptez-vous réagir en voyant que c'est Herbert qui est là, étendu, face au sol? En tout cas, ça, la silhouette ne laisse pas penser autre chose que lui, quoi. Moi, Bodan, je suis un peu pressé, en fait, maintenant que je vois qu'il y a... J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui afflue, hors Pavel, qui s'est rapproché du corps. Il a l'air... pour l'instant d'être occupé à l'examiner, donc moi je vais aller dans l'appartement et je vais essayer d'ouvrir un peu les tiroirs, de fouiller quoi. Ok. Je reste un petit peu figé quand la logeuse m'attrape par le bras pour chercher du réconfort. D'abord je réagis pas. En fait j'ai les yeux fixés sur Herbert et je commence à transpirer un peu devant cette vision là. Et puis d'un seul coup je réalise que j'ai quelqu'un qui s'agrippe à mon bras, et donc je, d'un mouvement de recul, je la repousse, parce que personne ne me touche jamais. Ça fait des années que personne ne m'a jamais touché. Et du coup, ça me met extrêmement mal à l'aise, et la situation devient compliquée. Et là, je vois Bodan passer devant et commencer à fouiller la pièce. Du coup, j'observe partout autour de moi, et d'un pied assez... assez peu assuré, je vais rentrer dans la pièce également pour essayer de voir ce qui s'y trouve. Parfait. Restant du tour de table, Bodan et Vlasta. Ok, Vlasta. Moi, je rentre et je fais tout de suite pop, pop, pop, on touche à rien. On touche à rien, vous, le misérable, là, Bodan. Vous fermez le tiroir, s'il vous plaît. Je pense savoir à quoi nous aurons affaire et je m'approche directement du corps. Ok. Donc c'était Bodan qui s'était précipité en premier ? Ouais, j'ai ouvert autant de tiroirs que j'ai pu jusqu'à ce qu'il m'interpelle, cette espèce d'abruti. Ok. Du coup, Antonin ? Ouais, initialement, moi, j'étais parti pour m'approcher du corps avec pour objectif de feindre d'essayer de le soigner ou de le sauver, en fait, d'essayer de voir, comprendre ce qui s'était passé. Et du coup, bah, l'intervention de Vlasta m'a un peu figé sur place et j'essaie de regarder du coup de plus loin et de voir si voilà s'il y a quelque chose qui m'interpelle quoi. Okay. Écartez-vous. Donc on va jouer dans ce ordre là. Bodan, est-ce que tu as un niveau en recherche? Érudition en haut à droite, en recherche j'ai 0. Alors moi je veux bien dépenser des points de vécu parce que j'ai l'habitude de rentrer dans les appartements quand les gens sont pas là, essayer d'ouvrir les tiroirs parce que j'ai rien en fait, ma vie c'est de la merde, donc j'essaie de dès que j'ai une opportunité, dès que je vois une porte entrouverte, une fenêtre un petit peu ouverte, j'essaye de voir si je peux pas glisser la main, choper un truc à manger ou autre chose quoi. Très bien. Donc je vais, avant que Vlasta ait le temps de t'empêcher de tout faire, tu vas réussir à quand même découvrir quelque chose. Dans l'ordre, donc, on a Bodan qui se précipite à l'intérieur de l'appartement sans trop de ménagement. On a ensuite Pavel qui va le rejoindre dans un second temps. Puis Antonin et Vlasta qui va se précipiter pour essayer d'empêcher ce petit monde de faire trop de bêtises. Donc Bodan, je vais commencer par toi qui ne te préoccupe pas d'Herbert. Parmi les choses que tu vas voir, tu vas remarquer qu'il y a dans l'appartement un mur dont le crépi est tombé. D'accord ? Et on voit derrière les briques, quoi. D'accord, ouais. T'auras le temps de voir, mais t'es persuadé qu'il y a moyen de déloger une brique pour trouver quelque chose. Tu vois qu'elle est un peu cassée, un peu, tu vois, elle fait tache dans le décor, le joint qui l'entoure n'existe plus. Et de là où t'es, toi t'as l'œil, tu peux le voir, quoi. Mmh, ok. Pour ensuite, c'était Pavel qui s'inquiétait ou Antonin qui s'inquiétait du corps? Pavel. Mmh, ouais, plutôt, ouais. Donc Pavel, tu vois Herbert face contre terre, c'est bien lui. Son manteau est sur ses épaules, s'il laissait penser qu'il allait partir. Et tu peux même voir son chapeau qui a roulé un peu plus loin. Tu as ensuite le corps qui est face contre terre, pas de tache de sang, pas de trace visiblement de d'effraction ou de coup sur le visage ou la tête. Il faudra peut-être le retourner pour mieux voir. En tout cas, tu remarques une chose, c'est qu'il a une de ses mains qui est totalement flétrie. Flétrie? Ouais. Ah. Comme okay. Momifié, tu vois. Ça, je l'avais jamais remarqué auparavant. Non, c'est assez facile à dissimuler, peut-être avec un gant. Tu dis, ah oui, il avait souvent des gants peut-être. Et... ça t'avait pas sauté aux yeux, mais en tout cas là tu le constates. Pour Antonin qui va voir l'appartement et Vlasta, tu l'as aussi, vous allez plus avoir la vision globale de l'appartement qui se trouve être un peu comme le vôtre, spartiate, peut-être même plus, qui contient que l'essentiel. Il est fait comme le vôtre, donc vous ne seriez pas perdu pour retrouver où est la chambre, où est la salle d'eau. Vous avez une petite table avec une chaise contre un mur de la pièce de vie. Il y a un meuble ensemble, étagère et tiroir, qui permet de ranger quelques livres et effets personnels. Très peu de décoration, pas d'éléments superflus. Les murs sont gris et nus. Il y a donc ce morceau manquant de crépi, qui pour l'instant, vous, en tout cas, ne vous fait pas plus de surprise que ça. Et une unique fenêtre qui, pour le coup, elle, plus surprenante, est partiellement recouverte de morceaux de papier journaux collés. Vlasta, je sais, donc je vais pas le demander, je sais que tu as un bon niveau de recherche. Oui. Tu remarques, pas loin de la porte, derrière elle, un bout de papier, comme un mot plié en deux. Moi, je le prends, là, tout de suite. Donc voilà, Vlasta arrive, elle dit pop, pop, pop, touchez pas au corps. Bodan, t'as été un peu coupé dans cet élan-là, donc tu nous diras juste après ce qui se passe. Elle vous dit de pas toucher, de pas fouiller, on arrête ça. Et elle se penche au sol. Récupérer un bout de papier. Donc, tu ouvres ce bout de papier-là, et dessus, tu vois de marquer « Les papiers sont-ils prêts? Ils m'ont menacé de mort cette fois. » Et c'est signé d'un P. Ok. Je range le papier dans ma poche, et tout de suite, je vais voir le corps, du coup. Je prends un ton autoritaire hein, quand je dis... en tout cas, j'essaye. Et j'inspecte minutieusement le corps. Je prends mon stylo, peut-être je dois avoir un stylo, et puis je soulève la veste. J'essaye de voir laquelle est la cause du décès. Ok. Qui va nous permettre de faire une belle transition sur une petite présentation rapide et succincte, en une ou deux phrases. Là, je pense que tout le monde a compris un peu le tempérament de Madame Vlasta. Yanov. Et en une ou deux phrases, qu'est-ce que tu pourrais nous dire que les gens pourraient savoir de toi très facilement? Moi? Oui. Que j'ai sûrement plus de privilèges que mes camarades à se voir. Ça marche. Donc elle a une attitude un peu professionnelle dans ce qu'elle fait. professionnel, exactement, un peu autoritaire, et puis un peu, bah, moi je fréquente pas normalement des gens comme vous, mais bon, je me sens un peu au-dessus. Quoi. Excellent. Peut-être à tort. Mais bon. Tu vas investiguer autour du corps de Herbert. Et je demande un coup de main à Pavel. Je demande un coup de main à Pavel pour s'il faut retourner le corps, tu vois, s'il faut. Ouais, je vais l'aider. Ouais. Très bien. Donc avec Pavel, vous retournez Herbert, qui est figé dans un visage plutôt serein, pas de marque de d'effroi, pas de marque de peur ou les yeux grands ouverts écarquillés. Il est juste mort, allongé, pas d'ecchymose, pas de marque sur le corps de visible actuellement, seulement cette main flétrie qui sort de l'ordinaire. Pour l'instant, tu n'as aucune piste. D'accord. Donc on a Dvorak, Pavel Dvorak, le fonctionnaire, qui lui est en train de t'aider. Je l'imagine en train de regarder un peu les gestes précis que Vlasta pose sur le corps d'Herbert. Pour toi, Pavel, qu'est-ce que, en une ou deux phrases, qu'est-ce que les gens peuvent savoir de toi très facilement dans l'immeuble ? Que je suis très rigoureux, et encore une fois, très, très quelconque. C'est le petit vieux à qui on ne fait jamais vraiment attention. Quoi. Ok, excellent. Antonin et Vaudan, vous apercevez ça. La logeuse est toujours à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, Antonin, moi, du coup, je vais aller... je voudrais faire un petit tour. Alors, tu peux remontrer où est-ce qu'on se situe exactement ? Alors, on va partir... On va prendre cet appartement. Ouais, très bien. Bon, bah, moi, du coup, comme il y a beaucoup d'agitation déjà dans l'appartement, j'ai une certaine surprise à voir Herbert quand il le retourne, du coup, et que je vois son visage de manière certaine. Et du coup, je fais un tour autour de l'appartement, en fait, sur les extérieurs, dans les couloirs, etc. Alors, l'extérieur, c'est vraiment uniquement le chemin qui entoure le trou central. D'accord. Et puis moi, je l'interpelle et je lui dis de ne pas sortir de cette pièce. Très bien. Antonin, est-ce que tu... Alors, du coup, contraint, je réajuste ma veste, ma cravate, pour essayer d'avoir la meilleure allure possible, et je me redirige vers Vlasta. Et du coup, je l'interpelle en disant, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider de quelque manière que ce soit ? Oui, vérifiez que personne n'entre dans la pièce et faites venir la logeuse. On va lui poser quelques questions, je pense. Bien, madame. Et donc, du coup, je m'exécute le plus sérieusement possible. Parfait. Et Bodan ? Ben moi, vu que je les vois en train de se disputer, mais en tout cas, ça me molestait un peu, j'enlève la brique... que j'ai vu en essayant d'être le plus discret possible, je me fais tout petit et j'essaye délicatement de la basculer quoi pour voir ce qui se trouve derrière. Alors pour pouvoir te déplacer comme ça tranquillement sans être trop repéré, est-ce que tu as déplacement à 1 ? Alors déplacement ah ouais 1 ouais j'ai 1 ouais. Bon bah nickel, t'arrives à aller jusqu'à la brique. Tu la défais, tu jettes des coups d'œil en arrière. Pour l'instant, ils ont l'air d'être occupés. Tu vois Vlasta en train de donner des ordres à Antonin, qui, lui, a l'air d'être un peu gêné par ça. Et en retirant cette brique, tu aperçois derrière deux choses. Tu as un objet métallique, manufacturé, et tu as un carnet en cuir. Ok, j'embarque tout ça et je le glisse dans mon slibard, comme un gueux. Donc, le carnet, ça ne sera pas un problème. Par contre, l'autre chose que tu retiens en métal, ça va être beaucoup plus compliqué. Ah. Ça risque de piquer. Ah ouais, ça va couper, quoi. Ouais, c'est ça. Il va falloir surtout justifier la longueur. C'est quelque chose qui va faire 20-30 cm de long. Qui est fait. Du classique. Voilà. C'est fait, en fait, avec des chutes de métal, des petites plaques. C'est une espèce de statuette faite à partir de ce morceau de métaux qui représente une silhouette féminine. Son bas-ventre, en tout cas, il est creux et il a été rempli par un bout de résine taillé en boule, donnant l'aspect un peu d'une femme enceinte. Ok, d'accord. C'est fin comme objet ou... Ouais, imagine une grosse lampe torche, quoi, en termes de taille, ouais. Les maglites, quoi. Ouais, bah je vais. Alors, autant je mets le carnet là où je l'ai mis, et la statue, je vais la glisser dans ma manche. Ok. J'ai eu très peur. Donc, dans ma manche, en essayant de le maintenir avec la paume, en espérant aussi que personne ne me remarque, mais ils ont l'air occupés, donc. Non, avec déplacement à 1, c'est bon là, si c'est bon, okay. Ça rentre dans les réussites. Antonin, tu as donc la logeuse, tu fais signe, tu l'interpelles, elle se rapproche, elle est toujours un peu. Tremblotante, et elle va vous regarder, vous dire mais Arrêtez, arrêtez de faire ça, voyons, il est mort, il faut... Je vais prévenir la garde noire, je vais y aller. Madame, revenez une seconde. Sortez de l'appartement, je vais verrouiller, je les appelle là, tout de suite, je vais à l'annexe la plus proche. Je me dirige vers elle du coup, et je suis quelqu'un de visiblement très calme et très serein, et du coup à ce moment-là, et du coup j'essaie de voilà de la rassurer finalement et de l'amener à se poser en disant voilà, restez là madame, vous avez besoin de vous remettre de vos émotions, on va s'occuper de vous, pour en fait finalement la essayer de la maintenir ici quoi. Ok, ça marche. Donc tu la diriges peut-être vers une chaise, la seule chaise ouais. de l'appartement face à cette petite table, ok. Et elle va s'y asseoir, les genoux collés, serrés, toujours sanglotant. Elle va sortir un petit mouchoir, se moucher bruyamment. Et vous regardez, mais c'est jamais arrivé. Il faut pas que je tarde non plus, parce que sinon après, je suis sûr, ça va m'impacter, je vais avoir des problèmes, on va peut-être me retirer mes droits de... Vous n'aurez pas de problème, madame, ne vous inquiétez pas. Et donc on profite d'être un peu très proche d'elle. Moi, je en profite pour commencer à lui poser quelques petites questions basiques. Voilà, qu'est-ce qu'elle faisait ? Est-ce qu'elle l'avait vu récemment ? Est-ce qu'elle a vu des choses anormales ? En sortant du coup mon petit calepin et en prenant en même temps scrupuleusement en note tout ce qu'elle m'a dit. Ok, donc au lieu de répondre très vite, elle va te dire que c'était quelqu'un qui était discret, qui payait sans difficulté. Il n'y a jamais eu ce souci-là. Et là, elle venait juste parce que exceptionnellement, il avait du retard dans ses paiements. Mais elle n'a jamais eu un seul problème avec lui. Et elle a surtout jamais eu de vrai contact. Un peu comme vous, Herbert, il avait cette particularité-là de travailler sur des cars qui étaient bien différents des vôtres. Ce qui fait que vous vous croisiez plus que vous ne vous fréquentiez. Pas du tout. Quand t'es là, tu vois passer quelqu'un devant la porte qui t'interpelle un voisin et qui dit « Oula, ça va, Monsieur Slezak, qu'est-ce qui se passe ?» Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a retrouvé cet homme dans cet état. Et du coup, je fais un signe à Vlasta pour lui dire de venir. Je suis pas très à l'aise, je sais pas trop comment me positionner par rapport et quoi dire en fait finalement à l'homme qui m'interpelle. Ok, bah je m'approche. Hein, s'il me fait signe. Je le connais, ce voisin, comme il s'appelle. Oui, c'est monsieur Nedved, et qui est en train de remettre bien comme il faut son manteau, qui est un peu mal placé, mais ses manches bien comme il faut à l'intérieur. Il finit de vérifier la serviette qui laisse penser qu'il lui aussi va bientôt entamer son quart de travail. Et voilà, il vous dit, mais il se passe quelque chose, et puis il essaie peut-être de regarder par-dessus ton épaule. Oui, malheureusement, une sale histoire. Est-ce que vous aviez vu Monsieur Herbert récemment ? Non, je savais même pas qu'il s'appelait Herbert. Je vous l'apprends. Monsieur Herbert est décédé, c'est terrible. Est-ce que vous pouvez rester à disposition pour toute information ? Je vais m'occuper de tout parce que je connais un peu les rouages. Ok, tu vois qu'il regarde une horloge qui est suspendue sur un des murs et vous dit « Je suis désolé, mais là, je vais pas pouvoir me permettre d'arriver en retard. » Même si il y a toujours ces problèmes-là avec les tramways, là, je vais me faire aligner. Oui, bien sûr, je comprends. Est-ce que vous pouvez me laisser votre nom et votre numéro d'identification ? Et il commence à faire quelques pas, il fait oui, bien sûr. Et il te donne c'est l'appartement 33, là, Monsieur Nedved. Nedved 33, oui. D'accord. Et est-ce qu'il est, ouais, il est juste pressé de... Enfin, il veut pas arriver en retard. Non, il a pas l'air d'être plus choqué par ce qui se passe. Donc Bodan a caché quelque chose dans sa manche et dans son slibar. Antonin et Vlasta ont géré un importun. Et Pavel, toi tu te retrouves, tu vois Vlasta qui se lève, qui va parler avec ce voisin-là. Tu as le corps d'Herbert devant toi, est-ce que tu fais quelque chose ? Ouais, je vais prendre un drap pour recouvrir le corps d'Herbert. Et ce faisant, je vais commencer à essayer de palper un peu ses vêtements, essayer de voir ce que je peux trouver dessus. Ok. Alors tu vas déjà te rendre dans sa chambre, et dans sa chambre tu vas apercevoir un lit solitaire, spartiate, ouais. Et il y a une penderie. Là tu peux soit chercher des draps dans la penderie, soit retirer ceux qui sont sur le lit. Ouais, je vais prendre des draps dans la penderie, tout en jetant un œil vraiment dans la pièce, histoire d'avoir de trouver un maximum d'informations sur ce qui a pu se passer. Est-ce que tu as un recherche à 1 ? Non, je suis à 0. Très bien. Est-ce que tu veux utiliser soit donc tes dés de domaine, espoir, vécu ? Ouais, il n'y a pas vraiment de sens à faire du vécu. Non, je vais lancer du coup des points d'érudition, si ça va. Ouais, bien sûr. Bien. Excellent. Donc il y a un 1 qui se... qui se crée. Donc il n'y a pas de réussite. Et en plus de ça, le fiel monte de 1 point. Donc tu cherches, tu regardes à droite, à gauche, plus tu prends les draps machinalement, mais ouais. Tu ziotes, voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Visiblement dans la chambre, soit c'est bien caché, soit il n'y a rien du tout, tout simplement. Et tu reviens avec ton drap que tu viens jeter sur le corps d'Herbert. Le voisin vient de partir, Vlasta et Antonin. Boden, est-ce que t'as profité? Je te laisse une petite action, un petit mouvement, alors que tu te retrouves un peu seul, quoi. Du coup, je sors rapidement le carnet, je l'ouvre et j'essaie de voir s'il y a quelque chose d'intéressant, en fait, si une page peut m'interpeller avec des informations que je serais en passe de comprendre. Ok. Alors, tu vas pas très bien comprendre ce qu'il y a. Pourquoi? La première, c'est... Tu vois qu'il y a beaucoup de pages qui semblent être codées, en tout cas. Et pour les peu de... Comment dire? De pages qui sont bien écrites et compréhensibles, ça a l'air d'être plein de mots scientifiques. T'as pas le niveau pour les comprendre. D'accord. Ah, j'ai bien compris que j'étais misérable. La seule chose que tu peux voir, c'est qu'il y a une entrée... Il y a 2 cycles. Ouais. Et tu vois que c'est écrit texto, sans code, comment enclencher un objet. Ok. Et t'as une série de croquis. Ok, d'accord. Tu vois juste des mots qui mettent... c'est une prémisse à un dispositif pour combattre ce qui ronge l'humanité. Tu vois qu'il y a marqué... ça évoque quelqu'un, le docte Amerlin Védique. Et t'as des mots que tu comprends pas. Ça parle d'harmonium. Ça parle de volonté de maîtriser la localisation des configurations. Ouais, ça me frustre énormément de savoir que j'ai un truc important dans les mains et ça m'agace. Est-ce qu'on voit qu'il a le carnet? Parce que tu as dit que l'appartement était tout petit. Non, je suis dans mon coin, il a dit. T'es dans ton slip? Tu l'as mis dans ton slip? Reste côté, toi, je le remets où il était le carnet. Est-ce qu'à l'odeur, on peut repérer le carnet? Non, du coup. L'hygiène est très importante dans l'univers de Notes. La maladie. D'accord. C'est quelque chose qui est très à cœur et on n'hésite pas à bourrer les médicaments, de la bouffe, du quotidien, de mettre plein de choses pour avoir l'énergie, le système immunitaire bien en forme. Un très très important à note. Okay. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a Vlasta, Antonin qui finissait de parler avec soit la logeuse, soit le voisin. Pavel qui revient et qui jette un drap sur le corps de Herbert et qui n'a pas vu Bodan. Vient de redissimuler le carnet qu'il a lu vite fait et sans doute vraiment que la dernière page. Quoi. Moi, si je peux, j'aimerais bien interroger tout le monde. J'essaie de prendre à partie tout le monde pour leur dire il va falloir qu'on parle, messieurs citoyens. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Est-ce que vous connaissiez monsieur Herbert? Tant qu'on ne me pose pas de questions à moi, je joue cette carte de l'autorité. Ouais, moi, ça me dérange un petit peu, cette autorité, quand même. Bah ouais, personne ne me pose des questions, moi, j'y vais. Ouais, non, mais moi, je vois pas d'où... d'où elle s'impose, celle-là, quoi. J'aimerais bien sortir de l'appartement, maintenant. Ah non, c'est pas possible de sortir de l'appartement. Mon regard se porte vers le visage d'Herbert, et j'ai la nausée, quoi. Et je dis, il faut que je sorte, sinon je vais vomir. Bah, vomissez là, dans le lavabo, là. Je m'excuse rapidement aussi, prétextant du coup d'avoir peur d'être en retard pour mon car, et j'essaye aussi du coup de prendre un peu la poudre d'escampette, de sortir de l'appartement, l'air de rien, pour le coup, moi je souhaite aller voir l'appartement qui est à côté. Le voisin de Herbert? Ouais. Ou la voisine? Ok, d'accord. Vlasta, toi j'imagine que t'étais à la porte, donc tu vois Bodan et Antonin qui se rapprochent de toi avec la volonté de sortir. Tu les laisses ou pas? Ah non, je mets la main devant eux pour leur dire vous sortirez pas tout de suite. Il y a quelque chose de plus important là que votre petite vie misérable. Mais le grand artefact et l'administration nous puniront. Non, vous inquiétez pas, je verrai avec l'administration. J'ai moi-même quelques entrées, quelques contacts. Là, l'administration sera au contraire très contente que vous restiez ici pour nous aider à résoudre ce mystère. Bon, clairement, moi, je suis pas convaincu, mais en même temps, je suis pas réputé non plus pour mon côté brave et téméraire. Donc, pour le moment, je dirais je reste dans l'appartement, mais par contre, on voit que je suis très très nerveux, quoi. Ok, après. Pavel, c'est quelqu'un qui a de la façade, qui est du genre peut-être, voilà, qui est peut-être pas du genre à exprimer toutes ses pensées physiquement. Mais Pavel ou Antonin? Ah non, c'est Antonin, pardon, je me suis trompé. Antonin. Ok. Encore. Pas de souci. Donc Antonin, non bah Antonin, si il a de la façade aussi, donc je me hop pirouette. Donc effectivement, ça va pas forcément bien se transparaître. Habitué sans doute qu'il est à devoir faire face à des personnes dans ce style-là, tu vois, qui écrasent les autres. Du coup, Plasta, est-ce qu'on te voit par exemple en train de fermer la porte? Ah ouais, tout à fait, c'est une très bonne idée. Je fais un pas à l'intérieur, je ferme la porte, logeuse y compris à l'intérieur, et je dis personne ne sortira de cet appartement pour le moment. L'administration veut qu'on reste ici. Moi, je lui demande sa carte, en fait. Je lui demande qui elle est et tout. Ça commence à me gonfler sérieusement, ça. Faut que je parte d'ici, en plus, je peux pas rester. Moi, j'ai pas spécialement envie que l'administration m'interroge. Donc, c'est qui, elle sous quelle autorité elle agit, quoi? Est-ce que j'ai... comme je suis détective, parce que tu nous as pas dit exactement notre travail, maître du jeu. Non, c'est les archétypes. Donc je vous laisse libre là-dessus. Tout comme par exemple, Bodan a un archétype de misérable. Mais écoute, Bodan, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent penser que t'es misérable? Je suis vêtu. J'ai juste le strict nécessaire. Enfin, j'ai un impair. J'ai bien compris que du coup la propreté et tout ça allait, mais je mets les mêmes vêtements tous les jours, donc ils commencent à être un petit peu usés. J'ai aussi, je mange assez peu, donc je suis un peu gringalé, et je suis voûté, quoi. C'est vraiment la vie, c'est dans ma posture. La vie m'a rendu voûté, replié sur moi-même. J'ai presque comme si ma poitrine se renfermer vers l'intérieur, en fait. Je suis quelqu'un d'assez fermé, quoi. C'est tant dans la posture que dans le physique. Ok. Et du coup, en fait, oui, j'attends qu'elle me réponde sur son statut, quoi. Du coup, là, c'est libre, hein. Ça peut être détective privé, ça peut être flic, ça peut être... Oui, non, mais je lui balance... bien, je fais partie de la police, monsieur Bodan. C'est pas forcément pour tous vous rassurer, ça, d'ailleurs. Ouais, oui. je joue le franc jeu, en fait. Et je montre, peut-être j'ai une carte ou quelque chose, et je leur montre. T'as ton fichier, de toute façon. Ok, alors là, je panique, je m'avance, je lui mets un coup d'épaule et j'ouvre la porte pour partir. Est-ce que je suis entraîné au combat ou des choses comme ça? C'est dans le domaine d'action, t'as zéro en combat. Ah. Donc dans les faits, non. Donc ça peut être soit via des jets de dés, donc les domaines d'action, en rajoutant ou non de l'espoir, ou alors en utilisant des vécus pour faire des réussites automatiques. Et là, c'est acquis. En tant que policière, j'imagine que ça m'est déjà arrivé. Ah oui, dans le vécu, ça me choquera pas du tout. Ouais. Donc oui, j'utilise ça. Et moi, en tant que misérable, ça m'est déjà arrivé de me trouver dans ce type de situation, donc j'utilise une réussite aussi, quoi. Et alors, du coup, moi, je voyant que effectivement Bodan s'apprête à essayer de s'enfuir, j'essaie d'utiliser moi pour le coup ma façade justement, mon érudition, je dirais, pour essayer de trouver un tour de passe-passe qui va desservir un peu Vlasta dans son souhait de le retenir, sans pour autant qu'il puisse m'en vouloir, quoi. Donc feindre de tomber en tombant, enfin feindre de trébucher par exemple en tombant sur la porte pour l'entrouvrir un peu plus ou pousser Vlasta, vraiment l'administration s'en souviendra, mon cher Antonin. Ah, l'objectif c'est précisément que non, justement. Ah bah là, on verra, vas-y, je sais pas, lance les dés ou utilise t'as l'habitude de tomber peut-être. Ouais, alors la façade c'est vraiment l'aspect social du truc. Là, pour faire ce genre de choses, je te demanderais un niveau de déplacement qui est dans action. Et pour si vous voulez départager Bodan et Ruth, vous pouvez me lancer les dés. Bodan, Ruth, c'est le même. Bodan et Vlasta, pardon. Ouais, je lance les dés, action, c'est ça? Ouais. Et moi, je lance aussi, du coup, ou pas? Oui, et pas de succès de Vlasta. Tu peux me faire ton jet de dés si tu as envie. Ça pourra rajouter encore plus de réussite ou pas, voire générer du fiel. Donc, il n'y a aucun succès. Donc, Bodan a l'air d'être effectivement un peu plus habitué à l'action. Il a pris par surprise. Ouais, c'est surprise. Ça. À partir comme un lâche, quoi. Enfin, c'est ça, à glisser, quoi. Mais quand les problèmes sont là, je ne suis jamais là. Toi, tu auras vraiment tilté. Il a réagi direct quand t'as dit que t'étais flic. Et il va réussir, avec l'aide maladroite d'Antonin qui ne laisse aucun doute sur son intention, à glisser par l'entrebâillement de la porte. Bodan, quand tu es arrivé dehors, t'as quoi comme intention là? Je cours sur le toit. Alors le toit, ça va être difficile d'accès, mais c'est pas impossible. Donc tu voudrais partir au troisième. Ouais, j'aimerais bien aller tout en haut, ouais. Tu te diriges vers l'escalier et tu vois qu'il y a quelqu'un à la porte en train de taper et qui appelle quelqu'un. Ruth, t'es là? J'ai pas de nouvelles de toi. C'est une femme. Où est-ce que d'accord. t'es? Allez, réponds, ouvre la porte. Je connais tes cartes, t'es censé être là. Bah, du coup, bah, je tu la connais pas du tout. Tu la connais pas du tout. Je dis, vous cherchez qui? Je cherche un compagnon, mon ancien compagnon. On s'est quitté en mauvais termes et depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelait Bodan Ruth. Ah, il est parti très tôt ce matin. Ah bon? Oui, il est parti tôt. Il a changé de carte, peut-être? Oui, tout à fait, oui. Voilà. C'est l'administration qui l'a réaffecté ailleurs. Vous le trouverez pas ici. Il occupe toujours cet appartement, pourtant. On m'a dit qu'il était toujours là. Il y a toujours son nom sur la boîte aux lettres. Oui, mais vous savez, ça va être changé aujourd'hui, très certainement. En plus, il y a un petit contretemps. Il y a un drame qui s'est passé dans ce car, donc ça attendra certainement demain. Est-ce que tu as un niveau de façade? Alors, je peux te dire ça. Ou alors tu peux faire dans le social. Si t'as un niveau en conviction, par exemple, ou tromperie, ça me va aussi. Ouais, plus ça d'ailleurs que façade. Non, j'ai 0 en social. J'ai 2 en social, mais j'ai rien en charisme, conviction, tromperie. Alors, est-ce que tu veux utiliser du vécu, lancer les dés? Bah ouais, je veux bien utiliser du vécu, parce que bah c'est... Alors, c'est à chaque fois l'excuse un peu facile. Mais pour le coup, c'est vrai que ce type de petits mensonges, de petits larcins, d'essayer de mentir, ça réussit pas toujours, donc tant pis si ça réussit pas là, mais c'est toujours ce que j'ai l'habitude de faire. Et pour le coup, j'aimerais, pour contrebalancer un peu cette facilité, me mettre aussi un petit peu en danger. C'est-à-dire que je vais conseiller, si c'est possible... à cette jeune femme d'aller là dans l'appartement d'Herbert où il y a une policière qui pourra l'aider dans sa recherche, sachant que je vais en même temps m'exposer parce que je crois qu'ils savent que je m'appelle Bodan. Ah oui, Bodan. Oui. Donc en fait, je m'expose en même temps que ça me fait un petit peu gagner du temps, quoi. Ok, toi tu cherches à partir sur les toits. Très bien, donc tu vas poursuivre. Là, on va s'arrêter là où tu la vois se diriger d'un pas rapide en direction de la porte. Vlasta, on s'arrêtait sur la scène où t'étais entremêlé avec Antonin, où limite vous avez trébuché à moitié avachi contre le mur, la porte, ça s'est reclaqué. Il y a la logeuse qui pousse un cri de surprise en se demandant ce qui se passe encore. Pavel, toi t'aperçois tout ça, t'es un peu les bras ballants à se demander mais il se passe quoi là ici? Et Antonin qui peine un peu à se relever, toi aussi, vous avez la... Et puis vraiment, vraiment, du coup, je feins enfin, je donne tout ce que j'ai pour essayer de feindre que je suis désolé, mais clairement, je suis un piètre comédien, quoi. Donc c'est quelque chose. Je suis vraiment désolé. Je t'insulte copieusement. Et donc là, ça, si jamais la porte va peut-être rebondir, se rouvrir un peu, tu vois Bodan qui monte l'escalier et t'as une main qui apparaît dans l'entrebâillement de la porte. Et qui fait « Bonjour, excusez-moi, je cherche une policière. » Ah oui, qui êtes-vous? J'essaie de me réajuster mes vêtements, tu vois, me relever. Oui. Voilà. Et du coup, elle va te parler, elle va te dire « Oui, je suis à la recherche de Bodan Ruth, il habite là. » Et puis, tu vois sa tête qui... Il vient de s'enfuir, je pointe du doigt dans la direction. Non, c'est impossible, c'est pas lui. Il vous a menti, c'est l'ennemi public numéro un. Et d'ailleurs, je me tourne vers Antonin, je jette encore un regard noir, et vers Pavel, et je leur dis « 10 tickets de rationnement si vous me le ramenez. » Ah ouais, j'ai un peu profité de la confusion générale pour faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire rester discret et ne rien faire. et je vais essayer par contre, comme il est pris un petit peu d'abord avec Antonin, ensuite avec cette femme, oui. De longer le long de la porte et l'air de rien, essayer de descendre comme si j'allais au travail. C'est pas possible, ça. Ah oui, elle est en plein milieu de la porte avec l'autre femme juste en face. Non, je réitère ma requête. Je promets, j'inclus la logeuse d'ailleurs dans l'histoire. Je leur dis qu'il y a 10 tickets de rationnement pour celui qui me rattrape Bodan Ruth qui vient de prendre la fuite. Eh ben, parfait, moi je saisis l'opportunité de sortir de l'appartement du coup. Pour aller dans l'appartement d'à côté, hein, bien sûr, mais ça ne okay. se verra donc, pas, je l'espère. Tu dis oui, d'accord, et puis tu prends presque la direction, tu le prends la direction opposée, quoi. Pavel, toi, tu... Alors, je rappelle, Pavel, homme d'un certain âge, grosse barbe bien blanche. C'est ça. On 1v1 face à Bodan, le jeune. Ouais, non, clairement, je vais pas me lancer là-dedans, hein, c'est pas du tout l'idée. Par contre, je vais quand même acquiescer en disant ah, d'accord, très bien, je vais voir ce que je peux faire. Attendez une minute, Pavel, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, monsieur, madame, pardon. Oui, c'est madame, oui. Excusez-moi, c'est... Mademoiselle, d'ailleurs. Je suis désolé, mademoiselle, je voulais pas vous manquer de respect. Je lui montre, j'ouvre le papier que j'ai trouvé tout à l'heure, qui était signé de la lettre P, il me semble. Oui. Et je lui dis directement, je l'accuse. C'est pas vous, ça, qui avez écrit ce message? Je prends le papier. Je prends le papier des mains, je remets un peu mes lunettes, tout en tremblotant un peu, je te le rends. Ça ne me dit rien. D'accord. Ça vous dit rien du tout. Et vous connaissiez Herbert? Non, vous savez, je ne croise pas vraiment mes voisins, de manière générale. Vous avez l'air d'être un gentil monsieur. Oui, je fais mon métier, je fais mes quarts et voilà, je ne cherche pas d'ennui. Très bien. Et vous fréquentez la boutique qui est au rez-de-chaussée? Non, je vous ai dit, je fais mes quarts, je travaille pour l'administration et puis je reviens après. Je n'ai pas vraiment le temps pour ces loisirs. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'intelligent, Pavel. C'est gentil, une main sur l'épaule. Il est droit comme un i, hein, tu sais, il est figé. Ça te touche. Ouais. J'ai bien compris que ça allait te mettre mal à l'aise. Écoutez, cher Pavel, l'administration peut vous récompenser si vous m'aidez pour cette enquête. Je sens que vous avez l'œil vif, le regard intelligent. Petit regard avec un air bovin, avec les lunettes. Qui c'est qui te font des gros yeux, t'sais. Avec les verres double foyer. T'sais. Oui, je veux tout pour l'administration, bien sûr. Oui, c'est une très bonne réponse. Vous savez, vous pouvez sortir un peu de cette condition. Je pourrais vous toucher un mot pour vous, en plus. Et vous connaissez ce Bodan Ruth? À peine. Je l'ai vu en même temps que vous. C'est ton voisin. Oui. C'est pas que tu le connais plus, hein. Je dis juste que c'est un fait. Ouais, c'est fait exprès de répondre comme ça. Marche. Très bien. Bon, bah écoutez, essayez de le retrouver et vous me le signalez tout de suite. Oui. Si vous êtes en retard au travail, je donnerai votre nom à l'administration. Vous êtes sûr? D'accord, très bien. Aussi sûr que je m'appelle Vlasta Yanov. Très bien. tu vois qu'il te croit, mais il est quand même pas rassuré d'arriver en retard au travail, hein. Et en 50 ans, c'est quand même jamais arrivé, donc... Ouais, il faut bien un début à tout. Hein. Oui, je vais essayer de retrouver ce monsieur Ruth. Ok, et au moment où il fait ça, enfin où il s'en va, je lui soulève ma veste pour lui montrer que j'ai une arme à feu. Alors là, il sue à grosses gouttes. Hein. C'est, et puis tu le vois partir, tu sais, en pressant le pas, en essayant de garder l'air noble un peu, mais un peu mal assuré. Okay. Et du coup, je vais me tourner ensuite vers la femme qui vient d'entrer. D'accord. Je vais du coup faire un petit aparté Antonin, Bodan. Donc vous allez avoir un peu de temps du coup devant vous. Je vais faire Antonin d'abord qui se dirige vers l'appartement voisin. Quelle est ton intention? Eh bien moi du coup, je vais chercher dans l'appartement voisin quelque chose en particulier que j'ai pu observer la veille, ou en tout cas quelques... La porte est verrouillée. Auparavant, donc bah, la première chose que je vais faire du coup, c'est que je vais essayer de rentrer dans l'appartement du coup. Ok, bah tu essaies de tourner la poignée, le poignet est fermé. Voilà, donc, bah, je vais essayer de... Je sais pas si j'ai quelques compétences, soit pour crocheter la serrure, soit regarder autour s'il y a rentrer par la fenêtre de l'appartement peut-être. Voilà, enfin, je cherche, je farfouille un peu partout. Le mieux, ça serait de faire dans de la technique. Ouais, je regarde vite fait si ailleurs ça pourrait te servir, mais c'est vrai que là, en plus dans la technique, donc tu peux... Après, tu peux m'utiliser du vécu si jamais t'arrives à... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bah je reste un érudit, et de par, je dirais, ma soif de savoir, j'ai eu beaucoup de documentations techniques diverses et variées, dont quelques-unes sur le fonctionnement des différentes serrures assez basiques, et du coup ça m'a permis de comprendre que finalement le système est pas très compliqué quand on en connaît les rouages, et de crocheter une serrure simple, même si j'ai pas pratiqué avant, sur le papier je dirais je suis assez à l'aise. Ok. Donc admettons, ou peut-être même t'es habitué à perdre tes clés ou pas les avoir sous la main. Alors, peut-être trouver d'autres façons d'ouvrir les portes. Ok, donc tu vas prendre un peu de temps et suffisamment pour que arrêter ta scène où tu ouvres la porte. Je vais juste simplement te décrire. Tu vas tomber sur un appartement qui semble ne pas être un appartement, qui a été réhabilité en autre chose. Tout l'intérieur que tu vois, c'est toujours une décoration très spartiate, mais les meubles qu'il y a, c'est un établi. Des étagères qui sont là pour auxquelles sont entreposés des l'outillage, des matériaux. Il y a vraiment des outils qui traînent un peu à droite à gauche. Il y a quelque chose de très volumineux qui se trouve au centre de la pièce, qui est effectivement pas innocent, pas inconnu à toi. Et surtout, tu auras eu le temps de faire quelques pas à l'intérieur. Tu vois que le mur qui fait jonction avec l'appartement d'Herbert est troué. Mais il y a quelque chose qui bouche le passage. Ok ? Ok. Je vais switcher sur Bodan, qui s'est précipité jusqu'au toit. Tu ressors à l'extérieur. Tu as donc autour de toi les autres bâtiments de la banlieue que tu occupes. Au-dessus de toi, difficilement tu aperçois la forme de l'objet dieu, ces immenses espèces d'assemblages de plaques, on ne sait trop quoi, qui par moments bougent. Tu peux apercevoir au loin un faisceau qui s'active et qui doit illuminer une zone de terre à des centaines de kilomètres de là. Et d'un autre côté, tu peux apercevoir le centre-ville bien mieux éclairé que la banlieue dans laquelle vous êtes. En contrebas de la rue, des gens sont en train de s'affairer. Ça grouille toujours, telle une fourmilière. Et tu peux apercevoir un chantier de l'effort qui est là, juste à proximité. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu vois ? Alors si, je pense savoir ce que tu cherches. Ouais. Tu vas apercevoir que sur le toit, il y a une espèce de dispositif, et tu vois surtout beaucoup de câbles qui viennent pendre vers un pan de mur de l'immeuble. Ouais, d'accord. Justement, ouais, j'aimerais aller examiner ça, voir s'il y a un simple interrupteur ou si c'est... un peu plus compliqué que ça, quoi. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Malheureusement, t'as pas les compétences pour bien maîtriser tout ça. Ce que tu vas quand même pouvoir voir avec ce que tu observes, c'est que ça a l'air d'être plus une zone de... Comment dire ? Plus une station de quelque chose. Et ces câbles-là, si tu te penches sur le bord de l'immeuble, tu peux apercevoir qu'ils vont jusqu'à l'appartement voisin d'Herbert. Ah, d'accord. Ok, et c'est accessible en faisant un petit saut ou c'est vraiment loin Tu pourrais peut-être utiliser les câbles comme cordes, mais... Ah bah j'y ai... Ouais bah si, je vais tenter le coup, parce que j'ai pas tellement envie de redescendre et de croiser l'autre meuf là, donc ok. Je vais essayer de... Surtout que bon, je suis sur le toit et a priori je peux me faire choper, donc c'est aussi un moyen pour moi de fuir. Donc je vais essayer effectivement de me déplacer via ces câbles. Ok. Alors c'est très audacieux, il me faudrait un déplacement de 2. Ouais, j'ai 1 en déplacement. Ça sent l'accident. Ah, t'as l'option d'aider du vécu. Le vécu est bien parti depuis le début. Non mais j'ai un peu d'action parce que le vécu, là pour le coup j'ai pas les cascades, c'est pas vraiment... voilà, je peux m'enfuir vite fait une porte mais je fais pas des cascades comme ça tous les jours. Donc je vais tenter un lancer de... Enfin. Vais lancer le dé d'action. Mmh. Qui est misérable dans la vie et heureux au jet de dés. Non. Voilà, belle politique. Voilà. Aïe, aïe, aïe, la chute. Est-ce que tu souhaites utiliser de l'espoir ou pas ? Ouais, bah du coup, oui, je vais mettre un petit peu d'espoir dans mon... Oh, putain, deux réussites. Alors si, t'as fait 2-10, donc c'est parfait. Ils sont relançables si t'as envie. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est-à-dire que si tu les rends, tu peux faire un 1 et du coup, non, ça génère du fiel ? Non, non, je vais les garder, ouais, parce que j'ai déjà 1 en déplacement. Exactement, ça fait 3. Dis, ouais, voilà, c'est pas mal. Donc, on va juste avoir la fin de la scène où Pavel t'arrive en essoufflé en haut de l'escalier, tu tiens la rambarde et t'aperçois juste le dessus de la tête de Bodan qui disparaît d'un pan de mur de l'immeuble et il a l'air de se laisser glisser à des gros câblages. Et Bodan, toi, tu vas essayer de descendre, glisser et arriver jusqu'à la fenêtre de l'appartement voisin d'Herbert. Ok. Ok, je comprends qu'il arrive à cet endroit-là ou... Non, toi, alors, sauf si tu te penches, effectivement, tu pourras peut-être pouvoir le voir rentrer, passer par la fenêtre. Ouais, ouais, pour le coup, en fait, mon premier effet, quand je le vois, c'est que j'ai l'impression qu'il tombe. Et puis après, je okay. commence à me poser des questions. Donc, tu précipites dessus et effectivement, tu le vois passer à travers une fenêtre. Il y aura la surprise avec un face-à-face avec Antonin, qui lui vient à peine de rentrer dans l'appartement. Et toi, Pavel, tu vas apercevoir que ces câbles-là, ils n'ont rien à foutre ici. Ok ? Oui, oui. Vlasta, tu es avec la femme. Elle t'explique. Mon compagnon, on s'est quitté en mauvais termes. J'aimerais le revoir, qu'on rediscute, tout ça. Il habite cet appartement. Il s'appelle Bodan Ruth. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? L'homme m'a dit que vous pouviez l'aider. Vous me dites qu'il s'appelle Bodan Ruth. Je comprends plus rien. Oui, bah, l'homme que vous venez de croiser s'appelle Bodan Ruth. Ce n'est pas votre ex-compagnon. Non. Il est donc encore plus suspect. La logeuse, elle a l'air un peu circonspecte, tout ça. Mais j'ai pas fait attention, je vous avoue. Oui, c'est peut-être ma faute, ça va me retomber dessus encore, tout ça. Non, vous inquiétez pas, madame. Mais comment ça se fait que cette personne a usurpé l'identité de votre ex-compagnon, du coup ? C'est pas trop quoi dire. Et à quoi il ressemble, Bodan ? Il te fait une description qui n'a rien à voir avec lui. Déjà qui est un peu plus âgé et surtout mieux habillé, un niveau de vie supérieur. Oui, d'accord. On va aller inspecter l'appartement de ce Bodan. On va retrouver votre compagnon, je vous le promets. Très bien. Est-ce que, du coup, je fais un signalement à l'administration pour le meurtre ou j'attends encore, je ne sais pas en fait. Est-ce que je dois suivre une procédure particulière ou... Toi qui vois. C'est moi qui vois, ok. Bah non, parce que j'aimerais bien m'attribuer les mérites de cette enquête, du coup, je ne vais pas prévenir tout de suite. C'est bien aussi. Donc tu vas te diriger vers la porte. Comme t'as des bonnes habitudes, t'as des yeux de lynx, tu vas apercevoir que la porte voisine de Herbert est ouverte, entrouverte. Tu sais qu'Antonin s'était barré dans cette direction-là et t'avais laissé faire. La porte était fermée quand on est rentré. Ouais, je pense bien, ouais. Et tu vas peut-être entendre Pavel qui va apparaître en bas qui redescend de là où était Bodan, il revient les mains vides. Et tu es devant l'appartement de Bodan et voilà, à nouveau, elle est là et te dit j'ai essayé de frapper, il n'y a personne qui a répondu. Oui, citoyen Pavel, vous avez vu quelque chose ? Oui, j'ai vu Monsieur Ruth glisser le long d'un câble. Ah putain. Ah oui, d'accord, cascadeur en plus. J'ai cru qu'il tombait, j'ai cru le voir tomber et du coup je descendais pour m'assurer que tout allait bien. Mais il est tombé dans la rue. Il est tombé le long d'un câble, mais j'ai un peu de mal à voir exactement. Je vous avoue que toute cette situation me perturbe un petit peu. Je ne sais quoi penser. Mais je comprends. Vous inquiétez pas, citoyen Pavel. Cette porte-là, vous connaissez le voisin d'à côté de Monsieur Herbert ? Elle est ouverte. Je ne connaissais déjà pas Monsieur Herbert, ce n'est pas pour connaître son voisin. Très bien. Vous allez m'accompagner, on va pénétrer dans cet appartement. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème vis-à-vis de l'administration. Vous êtes sûr ? Je veux dire, c'est quand même illégal. Au moment où il dit vous êtes sûr, je sors mon pistolet. Je suis sûr. Oui, peut-être, mais très bien, mademoiselle, allez-y. Je vous en prie. Le canon de mon pistolet, je pousse la porte entrouverte. Très bien. Vous aurez un peu de temps pour vous. Antonin, t'as Bodan qui apparaît devant toi par la fenêtre. Ouais, bah du coup, alors il s'est passé beaucoup de choses là. À quel moment est-ce qu'ils sont déjà là? Ils sont déjà dans le couloir, du coup, Vlasta? Non, pas encore. Ah, d'accord. Vous avez un peu de temps pour vous avant qu'elle arrive. Ok, ça marche très bien. Donc, moi là, je fais assez rapidement deux choses. Alors, la logique aurait voulu que je barre la porte, mais bien évidemment, ma curiosité naturelle me brouille les pensées. Je ne pense pas à barrer la porte. Et du coup, par contre, voyant à travers la fenêtre Bodan qui apparaît, je me précipite pour lui ouvrir rapidement et sans même réellement à chercher à comprendre ou quoi que ce soit, je me dirige tout de suite en direction de la bâche qui trône au milieu de la pièce pour à vide de curiosité voir ce qui s'y passe, ce qu'il y a en dessous. Parfait. Bodan, toi, tu as Antonin qui vient à ta rescousse, qui t'ouvre la fenêtre, qui t'abandonne presque, et puis tu le vois lui pose pas de questions, il se dirige directement sur un gros objet volumineux qui est bâché, qui se trouve au milieu de la pièce, qui est grand comme, admettons, un canapé, quoi. Toi, tu fais quoi ? Pareil, je le remercie très sommairement et en fait, j'essaie de voir où mènent les câbles que j'ai suivis, en fait. Jusqu'à ça, cette bâche. Du coup, je me précipite à côté de... Okay. d'Antonin pour en lui disant que c'est aussi ce que je cherche et que ça mène sur le toit. Alors, vous retirez cette bâche à deux. Ouais. Et la bâche cachait, en fait, deux choses. Un énorme objet que Antonin... Alors, Antonin, est-ce que tu as des niveaux en ingénierie ? Non, pas du tout. J'ai... Ouais. C'est un gros engin. C'est pas à quoi il sert, c'est pas ce que c'est. Mais c'est de la technologie, quoi. C'est un engin technologique. C'est de forme assez rectangulaire et très gros, presque comme un canapé. Et alors, un petit canapé, hein, pas le king size en L. Et tu as à côté une tablette en bois, une petite table d'appoint sur laquelle est posé un étrange appareil qui, là aussi, pour le coup, ne te dit absolument rien. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Vlasta débarque avec Pavel et une jeune femme qui pointe du doigt Bodan et qui commence à l'invectiver alors que Vlasta a un revolver en main. Et du coup, moi, je me retourne immédiatement quand j'entends le bruit de la porte qui s'ouvre et je crie « Il est là !» Tu dénonces... tu le dénonces. Moi, vous souvenez que j'ai la statue dans la manche ? Oui. Je la fais glisser de ma manche et je la lance sur Vlasta. Ok. Oh là, t'as envie que je tire, toi ? Ok. Je voulais pas tirer, mais bon. Pavel, il pige rien. Alors, je t'invite à me faire un jet d'action, puisque tu n'as pas de niveau en combat. Ça fait une réussite. Et Vlasta, comment tu essaies de faire quoi ? Deux succès. Ouais. Deux succès. Est-ce que tu veux essayer de l'esquiver ? Si je peux, oui. Après, je suis surprise, donc je sais pas. Ouais. Déplacement, t'as 0, t'as 2 en action. Est-ce que tu veux rajouter de l'espoir là-dedans ? Oui. De l'espoir, de l'action, on lance les dés. Ouh là là. Oh, il y a un seul succès. Ah. Ouf. Merde. Donc tu vas te prendre la statuette qui va venir te, si jamais tu voulais contre-attaquer, te pénaliser dans ce tir-là. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc la statuette n'est pas non plus violente, hein. Elle va t'infliger une seule de blessure, mais tu as pu voir que il t'a lancé un étrange objet. Trentaine de centimètres en métal, t'as pu apercevoir des reflets un peu ambrés à un moment, et ça t'a percuté, j'imagine, au niveau soit du visage, soit du haut, en tout cas, ouais, au haut du corps. Là. Est-ce que tu laisses tomber ton arme, du coup, avec le choc ? Je vais te dire que moi, non, puisqu'il y a eu quand même au moins une réussite. Par contre, je veux bien tirer en l'air, tu vois, par réflexe, pour alerter tout le voisinage. Tu veux pas tuer la meuf qui cherche Bodan sans faire exprès, non ? La femme s'est mise à hurler contre Bodan et elle se met à se recroqueviller au sol, les mains sur les oreilles, sur la tête, et à hurler. Vous vous retrouvez tous les quatre, un peu en stand-off, le mexicain. Ah ouais. je me tiens la tête, et je braque mon arme tant que je peux en hurlant, mais là je suis un peu beaucoup moins à l'aise que d'habitude. Et je fais « Citoyens, restez là !» Ne partez pas, non, citoyen ! Arrêtez ! Évidemment, j'essaie de braquer Bodan avec mon arme. Est-ce qu'on pourrait pas tous se calmer 2 minutes et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, s'il vous plaît ? Oui, on se calme ! Voilà, calmons-nous, monsieur... Monsieur Bodan, monsieur Antonin, mademoiselle Blada, voilà... Hein, cette journée est suffisamment compliquée comme ça, hein ? Est-ce qu'on pourrait... prendre 2 minutes pour discuter au lieu d'agir comme vous êtes en train de le faire. Alors je me redresse, j'étais voûté, je me redresse pour apparaître beaucoup plus digne que je ne l'étais, et je leur dis tous que, bon, maintenant ils ont compris que je n'étais pas Bodan Ruth, que je suis un infiltré pour l'administration, et qu'il est temps effectivement de se calmer, et j'invite très fortement Vlasta à ranger son arme, non pas à la poser, à la ranger, parce qu'il y a il y a quelque chose dans cette pièce à élucider, et autant qu'on s'y mette tous ensemble. Donc elle se calme. Ouais, et est-ce que c'est possible que... Moi, je ne suis pas au courant de son infiltration, mais est-ce que c'est une méthode que je peux imaginer de la part de l'administration ? Ah, ça peut très bien s'imaginer, effectivement. Il y a une... On a la direction de la sécurité, on a la garde noire, le bureau des investigations, tout ça. Mais il y a encore autre chose qu'on appelle la police sec, la police secrète. Ça, c'est vraiment le type inquisiteur, ce qui fait peur à tout le monde. Donc, c'est des... Là, il ne l'a pas dit, mais c'est des mots qui sont très forts. après pour mesurer ça. On se rappellera, Bodan, que t'as absolument rien au niveau de conviction tromperie. Tout à fait, ouais. C'est un pur coup de bluff et effectivement, enfin un bluff. Ouais, c'est ça en fait. Je me demande si je le crois en fait. Ou pas, oui, voilà, c'est ça. C'est, ouais. Là, en l'état, personne se laisse. Personne ne va te croire. D'accord. Ok, c'est bien beau votre histoire, Bodan. Asseyez-vous, tout le monde s'assoit. Je reprends les choses en main. Comment réagissez-vous tous, les uns les autres? Moi, je m'exécute. J'utilise mon arme à feu, évidemment, pour pointer du doigt, enfin pointer de la canne. Moi, il y a quelqu'un qui donne des ordres, je m'exécute. Hein. Je ne sais pas faire autrement. Moi, je m'assois aussi, mais du coup, pour le coup, je me mets près de l'espèce de mallette là. En gros, je me calme et j'essaie de déduire, de comprendre comment ce truc-là pourrait fonctionner, faisant un peu fi de ce qui se passe autour au final. Ok, très bien. Donc tu vas essayer de voir, mais t'as pas de connaissances là-dedans, tu pourrais effectivement lancer des dés toi aussi pour comprendre. Vous êtes, donc là je vous rappelle, dans un appartement qui n'en est pas vraiment un, qui semble avoir été réhabilité en tant qu'atelier. Il y a des établis, il y a même encore une lampe qui illumine un plan de travail. Je rappelle que les sources de lumière, dans Notes, il y a le gaz, donc des appliques murales au gaz. Et donc là, il y a une lampe qui est toujours allumée, qui projette sa lumière sur ce plan de travail-là. Il y a des étagères qui disposent d'outillage et de matériaux. Et maintenant, Blasta, tu peux l'apercevoir, et tous ceux qui prendront le temps de regarder autour d'eux, un trou qui mène en direction de l'appartement d'Herbert et qui semble être, si vous y réfléchissez bien à la configuration, semble être juste derrière l'ensemble étagère tiroir. Quand tu dis un trou, c'est un accès. Ouais, c'est ça. On peut passer de l'appartement à l'atelier. Ouais, il y a un truc qui a été créé, pratiqué dans le mur. D'accord. Et autour de vous, il y a aussi toujours la même configuration. Il y a une chambre et une salle de bain, mais les portes sont fermées. Il y a un tableau en liège, type tableau liège à punaise, avec beaucoup de choses. Il est envahi par des papiers et des photos. Donc je dis citoyens. Les choses sont allées beaucoup trop vite. Je pense que nous devons collaborer tous ensemble pour essayer de résoudre ce mystère. Bodan, quoi que ce soit votre nom, je ne sais pas si vous êtes infiltré ou quoi, mais vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous n'êtes pas l'assassin de M. Herbert? Une question tellement con que j'ai envie de dire bah, bien sûr que non. Vous imaginez donc... Et pourquoi vous avez pris la fuite alors, quand j'ai dit que j'étais de la police? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai mes raisons. Si vous êtes de l'administration et moi aussi, on peut collaborer donc. Oui, mais on n'est pas vraiment au même poste et pas vraiment là pour les mêmes raisons, mais il y a... Mais qu'est-ce que vous avez, pour quelles raisons je suis là à votre avis? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que vous avez l'air de vouloir vous faire votre place tout en haut. Si vous voulez faire votre place tout en haut plutôt que de résoudre le meurtre de Herbert, vous devriez effectivement vous soucier de ce qu'il y avait sous cette bâche. Alors, je sais que j'ai pas de conviction, mais je l'invite, j'essaye de lui faire comprendre, j'essaye de te faire comprendre, Vlasta, que le trésor, c'est pas tant trouver l'assassin d'Herbert, c'est... cette machine a l'air extrêmement précieuse et il faudrait comprendre comment elle marche, quoi. Oui, d'accord, moi j'y connais rien en mécanique. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous avez pris la fuite et même si vous avez des raisons, comme cette valise qui m'a l'air assez étrange, vous savez ce que c'est, vous? Vous avez l'air de tout savoir. C'est quoi alors, monsieur Bodan? C'est quoi d'ailleurs votre vrai nom? Alors, elle m'agace un petit peu, je l'écoute pas vraiment, je me tourne vers Pavel en lui demandant si il s'y connaît un petit peu en ingénierie, en technique et tout ça. Alors je ne m'y connais pas vraiment, mais je travaille au service des admissions de l'administration et il m'arrive parfois de noter des références d'objets que certaines personnes font passer dans le cadre de missions bien entendu totalement légales. Et peut-être que cet objet me ferait penser à un formulaire que j'aurais éventuellement signé ou contrôlé au cours des précédentes années. Ben voilà, on est sur une piste là, cher Vlasta. Vous trouvez pas ça plus intéressant que de poser des questions dont vous aurez pas les réponses? Est-ce qu'il faudrait pas creuser ça plutôt? Est-ce que je peux faire ma propre enquête ou c'est un misérable qui va me dire quoi faire, hein? Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous ne faites pas partie de l'administration. On peut vous croire sur parole, mais... Bon, je me revoûte un petit peu. Pour prouver votre bonne foi, peut-être que vous avez apparemment trouvé une statue dans cet appartement. Vous avez peut-être trouvé autre chose. Je la vois qui gît à tes pieds. Ouais, voilà, la statue, elle est par terre. Je suis pas allé la récupérer. Hein. Oui, mais la statue, vous la sortez d'où? Bah, de l'appartement d'Herbert. C'est tout ce que vous êtes volé dans l'appartement d'Herbert? Non, j'ai trouvé autre chose. Ah, on y arrive! C'est pour ça que j'aimerais trouver, parmi nous quatre, et je sais que c'est pas vous, la personne qui aurait quelques compétences en ingénierie ou en... voilà, pour comprendre ce à quoi sert cette machine et lui confier ce qui pourrait ressembler, d'après moi, à un mode d'emploi. Je crois que Antonin a des lunettes, donc il a l'air d'être un intellectuel. Ouais, pendant tout ce temps où ils font leur dialogue entre pseudo-représentants de l'administration plus ou moins efficace, moi, j'ai profité que Pavel ait sous-entendu qu'il avait aidé à faire sortir cet objet pour me diriger discrètement vers lui et lui chuchoter je pense que nous sommes du même camp. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce que vous savez sur cet objet? Alors là, je me raidis d'un seul coup hein, quand il dit ça. Du même camp je travaille pour l'administration, voyons. Oui, allez. Soyez bref, nous avons peu de temps devant nous. De quoi parlons-nous? En fait, je voudrais observer un petit peu l'objet, voir si je vois pas un numéro de référence ou une griffe, ou pas étudier l'objet en lui-même, mais plutôt ouais, vraiment, okay. Vraiment un numéro de référence. Alors, mec, t'as combien en bureau? J'ai 2 en bureau. Bon, bah, ok, nickel. Donc tu vas... Le gros appareil, tu vas pouvoir identifier. Le petit, t'as pas... Ah, quoique... Je vais dire que non, mais le gros appareil, tu vas savoir. Le petit appareil, ça va pas trop te parler. Ça pourrait, mais pas maintenant. Le gros appareil, tu vois ce que c'est effectivement tout le monde sur un numéro gravé sur une espèce d'armature qui contient toute l'ingénierie du truc. C'est un petit générateur quantique. Donc c'est pas pour te, c'est pas normal de trouver ça ici. C'est une espèce de générateur quantique compact portable qui fonctionne au ce qu'on appelle du quantar. Les quantars, c'est des réceptacles en métal qui contiennent un quantar à l'intérieur et qui permet de générer justement cette énergie quantique. Ok. Du coup, c'est ce que je lui chuchote. Et puis rapidement, je dis mais vous connaissiez Herbert? Je ne le connaissais pas personnellement, mais je l'ai aperçu lorsqu'il a rentré cet outil dans son atelier. Et pour le coup, il m'a indiqué que nous étions du même camp. Vous avez eu une conversation houleuse vis-à-vis de cet objet étrange? Ah non, pas du tout. Non. D'accord. Est-ce que moi, dans mon réseau, dans mes connaissances, j'aurais pu en entendre parler de ce projet, de cette machine? Quel était son but? Parce que bon, globalement, je comprends qu'il y a une recherche un peu d'autonomie, au moins énergétique. Ouais, c'est pas inutile. Je pense que... T'as combien en... Ouais, en utilisant peut-être ta culture, du coup. Ta culture, mais bon, issue de tes contacts, quoi. T'as combien en culture? J'ai 2. 2, ça me paraît bien. Je dirais que vous allez pouvoir compléter. Donc, toi, t'apprends de Pavel que ça doit être un générateur quantique. Et toi, ce petit appareillage-là, il y a un petit tilt qui se passe. Tu vois les câbles qui partent jusqu'au plafond, enfin jusqu'au toit. Et tu penses savoir, mais tu n'en es pas convaincu, il faudra le faire vérifier. Mais avoir affaire à ce qu'on appelle un ondulateur. Pardon. Et les ondulateurs, c'est des appareils quantiques qui fonctionnent un peu de manière émetteur-récepteur. Mais dans un domaine de d'information là ouais, radio un peu ouais l'idée ça serait de la radio mais ça a l'air d'être un peu trafiqué quoi. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant qu'on sait qu'il y a deux représentants de l'administration dans la même pièce que nous? Ouais voilà. Mais il y en a qu'un pour l'instant, il y en a un c'est un menteur hein. Ouais et puis l'autre on sait pas. Je vous ai montré une carte. Le mieux serait peut-être, mon cher Antonin, de feindre l'ignorance, le temps d'en savoir plus quant à l'allégeance de nos deux compagnons. Nous allons en effet commencer par cela. Qu'est-ce que vous êtes en train de chuchoter, citoyen? Excusez-nous, mademoiselle, nous sommes simplement en train d'essayer d'étudier cet étrange objet, mais malheureusement... Oui, qu'est-ce que c'est ? Ce serait pas un micro-ondes ? Les fameux micro-ondes dont tout le monde parle ? Écoutez, je pense que vous avez tout à fait raison, je vous propose d'aller le tester dans mon appartement, si ça ne vous dérange pas. Je reviens attendez, vous me prenez pour une conne, vous allez vous asseoir et vous allez nous expliquer exactement ce que c'est cette machine. Il y a la femme à tes côtés, Vlasta, qui fait « Je peux partir ?» Une seconde, madame. Comment vous appelez, d'ailleurs ? Citoyenne. Je m'appelle Sarah. Sarah, asseyez-vous, là. Il y a une chaise, asseyez-vous, calmez-vous. Assieds-toi, chérie. Ah, bah, donc vous connaissez ? Le malaise. Non, mais vous le reconnaissez, citoyenne ? Vous reconnaissez ce monsieur ? Non, pas du tout. Bon, il faut déjà établir aussi cette histoire. Quelle est votre vraie identité, Godin ? Ah, mais je vous la donnerai pas, en fait. Je vous la donnerai pas. Je vous dirai pas qui je suis. Vous pouvez ne pas me croire, je peux ne pas réussir à vous convaincre, je vous dirai pas qui je suis. Mais pourquoi vous avez pris l'identité du compagnon de cette citoyenne, et en plus vous l'appelez chérie, vous mentez ouvertement devant tout le monde ? J'ai juste une question, à quel moment on est de la journée, là ? Là, le prochain quart, vous allez commencer à être bien en retard, là. Là, vous êtes sûr que si vous partez maintenant, vous arrivez en retard, là, vous devez vous rendre. Et on joue quasiment à la minute près. Et le quart nocturne, il est quand ? On a du temps encore ? Non, il est pas pour tout de suite. En gros, en général, c'est deux quarts de travail, deux quarts de repos, deux quarts de travail, un quart nocturne, enfin, okay, j'ai plus les trucs en tête, ouais. Mais... D'accord, ok. En fait, Vlasta m'agace énormément parce que j'aimerais discuter avec Antonin et Pavel. Mm. Ah, ouais, c'est pas de bol, hein. Ouais, voilà, exactement. Donc, je vais essayer de m'y prendre autrement. Je me rapproche de Vlasta. Ok. Je ramasse la statuette. Et hop, hop, hop. Alors, écoutez, Vlasta, je vous promets... La citoyenne Vlasta. Citoyenne Vlasta, je vous en dirai plus, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous voulez pas d'abord résoudre cette histoire de machine, savoir à quoi elle sert ? Ça a l'air d'être tellement plus important... Qu'un meurtre ? Que le meurtre du citoyen Herbert ? Vous pensez qu'une vulgaire micro-ondes est plus important qu'un meurtre ? Vous avez vraiment un sens des priorités particuliers, Bodan. Je fais un guillemet avec mes doigts. Bah, si c'est une machine qui est interdite par l'administration... Et les machines, le meurtre et la fuite sont interdits par l'administration. Donc je veux bien qu'on essaie de comprendre ce qu'est cette machine, et peut-être vous pouvez nous aider, vous avez l'air beaucoup plus vif que tout à l'heure. Mais il faut aussi résoudre ce meurtre. Pourquoi, à votre avis, citoyen Herbert est mort ? Il y a une théorie, peut-être ? Bah, il me semblait impliqué dans pas mal d'histoires un peu louches. Donc la liste des suspects est assez longue, à mon avis, quoi. Mais il n'y a qu'un seul suspect qui a pris la fuite au moment où j'ai dit que j'étais de la police. Peut-être pourrions-nous ouvrir la trappe ou la porte qui se situe entre l'atelier et son appartement, déjà, pour voir si nous voyons des choses supplémentaires. Oui, peut-être pouvons-nous avancer dans l'enquête, effectivement, plutôt que de se chamailler. Mon idée, globalement, c'est d'insister un peu Vlasta à aller pousser la porte et puis de la pousser dans la foulée pour se retrouver refermé derrière elle et essayer de se retrouver... J'ai anticipé en demandant à Pavel de le faire. Ok. J'en sois un ordre, alors je le fais. Hein. C'est pas compliqué. Ouais, Pavel, tu vas te lever et tu vas diriger en direction du trou du mur. C'est ça ? Ouais. Ok. Tu vas donc te déplacer un peu plus dans l'appartement. Tu vas pouvoir passer à côté de plusieurs choses. Tu me dis si ça t'intéresse ou pas du tout, si tu traces. Non. J'observe, bien évidemment. Je suis très intrigué. Donc, tu auras un atelier. Il y a une lumière qui est projetée sur l'atelier, sur un document officiel. Tu auras alors, tu me diras si ça t'intéresse de faire un arrêt dessus. Un document officiel avec un tampon de l'administration. Alors, évidemment, c'est un peu mon plaisir caché. Alors, ne partons pas plus loin, arrêtons-nous là-dessus. Tu fais un écart vers l'atelier, peut-être que tu fais un signe à Vlasta, attendez, j'ai quelque chose. Et tu vas apercevoir ce document-là, qui est un peu sous quelques feuilles, tu vois des tickets de rationnement, un peu de monnaie, cette monnaie qui sert vraiment qu'à payer les petits artisans du coin, les petites commodités... ne remplace pas les tickets de rationnement, c'est toléré. Mais en dessous, en déplaçant tout ça, tu vas avoir un papier qui, si tu regardes bien, est nommée au nom de Prochaska. Prochaska, c'est quelqu'un qui habite l'étage numéro 2. Mmh. Okay. Et ce document-là, c'est pas rien. C'est un document de reconnaissance ponctuelle. Ce genre de document-là, qu'on peut obtenir, enfin, avec lequel on peut obtenir des améliorations de vie qui sont parfois pas négligeables. Et tu peux le remarquer, puisque tu vois que dans ce document-là, de cocher, il y a une augmentation de rang, un plus 0,3 au niveau du rang de la personne. Ok. Au niveau du prénom, enfin nom-prénom, c'est plutôt un prénom masculin ou plutôt un prénom féminin ? Tu, peu importe, tu sais très bien qui est de cet immeuble, le destinataire de ce papier. Quoi. Donc t'es étonné de voir ça, et surtout d'autant plus là. Et tu vois qu'il y a vraiment tout autour de cet établi, ouais, de quoi faire des éléments de faussaire. Ouais. Je vais tenter de discrètement prendre le papier et le mettre dans ma veste, okay, mon veston. Si Vlasta, tu me dis pas que tu es en train de le surveiller, il n'y a pas de... Non, je surveille plutôt le Bodan, du coup, qui m'a l'air d'être le plus dangereux depuis le début. Tu arriveras à le prendre sans problème. Et tu vas te rediriger en direction du trou ? Du coup, oui, effectivement. Donc là, si... je pense pas que tu vas t'arrêter sur ça, mais tu pourras remarquer quelque chose que tu garderas ou tu partageras. Mais il y a un grand tableau qui permet de puniser des affaires et tu vois beaucoup de papiers, beaucoup de photos. Mais entre autres choses, en plein milieu, au centre, un peu dégagé, il y a une photo de Vlasta. Il y a une photo de Vlasta en plein milieu. Ouais. Je suis hors de portée de vue de Vlasta ou pas ? T'es dans la configuration de l'appart, hein. Je pense que là vous êtes dans l'angle, elle peut te voir. Hein. Ok, oui, mais je suis concentré surtout sur Bodan en fait. Ouais. Je vais jeter un coup d'œil rapide pour voir si elle m'observe et je vais arracher la photo. Ok. T'arraches la photo, tu vois que dessus elle est marquée en rouge au feutre, proche du seuil. Proche du seuil ? Oui, et il y a un symbole. Un rond barré trois fois. Ok, ça me dit absolument rien, j'imagine. Non, pas vraiment, non. Tu la regardes juste et tu la ranges ou est-ce que tu la détailles un peu plus ? Je rejette un coup d'œil. Je vois que Vlasta est toujours occupée. Commence à me dire que par contre, si je suis trop long, ça va chauffer. Mais je pense que la curiosité est en train de l'emporter. Donc je vais m'attarder un petit peu plus. Ok. Donc en retournant la photo, tu vois que dessus, il y a des dates de marquées. Et... tu vas voir qu'il y a tous les papiers qu'il y a autour de cette photo-là. C'est des papiers officiels de la direction de la sécurité, bureau des investigations. Et à chaque fois, voilà, tu vas pas le temps de tout lire, parce que tu n'auras pas le temps, sinon tu vas te faire remarquer. Mais tu verras que c'est des enquêtes de Vlasta Yanov qui montrent qu'elle est bien flic, bien à la garde noire, bureau des investigations. Comme ça, c'est bien sûr. D'accord. Et c'est des enquêtes qui lui ont tout été retirées. Ah. Et à ce moment-là, tu arrêtes de lire et puis tu te rediriges. Et c'est là que tu vois que le mur du fond, c'est lui qui fait jonction avec l'appartement d'Herbert. Tu les voyais pas parce qu'on est dans un environnement très mal éclairé. Mais il y a des inscriptions qui ont été taguées un peu de manière des propos liturgiques sur le mur. Ça a été tagué, crayonné. Il y a à nouveau encore un symbole de rond barré trois fois, okay, qui en fait encadre le passage qui mène vers l'autre appartement. D'accord. Ouais, et puis pareil, ça, j'imagine que ce logo me dit absolument rien. Non, toujours le même. Et là, du coup, tu vois que ce qui bloque, en fait, c'est un meuble, tout simplement, que tu arriveras avec quelques peines, vu ton état physique de vieux, ouais, à bouger. Mais en faisant des petits coups, ça va glisser, traîner. Et tu vas pouvoir apercevoir au bout d'un moment l'appartement d'Herbert. Tu vas redécouvrir le corps, tu vas voir la logeuse qui n'est plus là, la porte qui est refermée. D'accord. Vous trouvez quelque chose, Pavel ? Juste un instant, oui, c'est un peu lourd pour mes petits bras, mais j'arrive. Lourd, lourd. Ah, vous avez trouvé du lourd. Très bien. Oui. Rapidement, je regarde, est-ce qu'il y a... quelque chose qui permet de couvrir le tableau avec les enquêtes que je pourrais glisser rapidement ou est-ce que je peux tourner le tableau ou... Non, il est fixé au mur. Il y a pas de drap. À part la bâche qui est plus proche. D'accord. Ok. Je vais revenir. Non, je vais appeler Vlasta. Je lui ai demandé de venir. Eh ben, je vais y aller. Hein. Mm. Je pointe mon arme sur Baudan et Antonin. Et, bon, vous... l'administration. Non, non, vous inquiétez pas, l'administration est très bienveillante. Je vous demande de rester ici un instant et je vais rejoindre Pavel à côté pour essayer de résoudre cette enquête. Ouais, oh, allez-y, allez-y. Pas touche au micro en attendant, d'accord ? Ouais, vas-y. Va à côté, ouais. Non. Comment vous me parlez ? Vous me voyez déjà, premièrement, et vous m'appelez citoyen. Citoyenne, allez à côté. Oui, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un misérable pouilleux comme vous. Infiltré ou pas ? Je vous garantir que votre place dans la police, ça va sauter, hein. Oui, je crois que on verra ça. Du coup, je vais dans le passage pour rejoindre Pavel. Mais Pavel, tu es passé à travers le trou ou t'es juste au bout? Non, je suis juste devant. Ok. Et je lui montre quand elle arrive, je lui montre le logo du doigt. Et ça vous dit quelque chose? Donc il y a un trou dans le mur qui est suffisamment pour que quelqu'un s'y glisse. Et tout autour, il y a un rond et c'est barré trois fois dans la longueur de. Ça ne me dit rien non plus. Okay. Est-ce que je vois tous les papiers, tout ça ? Les photos ? Tu peux passer à côté de. Oui, puis tu as les yeux qui sont aguerris, hein, avec deux en recherche. Oui, bah, c'est tu vas pas louper, tu vas voir des papiers officiels, tu vas voir la direction de la sécurité, le logo, tu le connais par cœur. Mm-hmm. Et effectivement, ça va t'intriguer très fortement. Ouais. Ok, bah, c'est là que je vais me décider à prévenir l'administration, en fait, et pour embarquer tout le monde, parce que à partir du moment où je vois qu'il y a des faux papiers qui sont faits, tout ça. Je ne réfléchis plus et je sais pas comment je peux contacter l'administration d'habitude. Mais... Alors, il y a deux options. Il n'y a pas de communication, ça n'existe plus. Il y a, bon, il y a ce système d'ondulateur dont on a parlé qui est plutôt utilisé dans les directions où les personnes très aisées, et encore, je ne suis même pas bien sûr. Sinon, après, on discute sur les longues distances, on transmet des messages à coups de morse en lumière. D'accord. Et en sein des blocs, la façon de communiquer la plus simple, c'est le système pneumatique. Ah oui. Rétro-futur. Ok. Ben j'envoie un pneumatique. Baudan et Antonin, vous êtes mis à l'écart. Elle est au loin avec Pavel. La porte est là. S'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Du coup, moi, je profite justement qu'il soit un peu plus loin pour embarquer l'ondulateur là. Ouais. Et puis tranquillement essayer de me barrer tout simplement. Je le suis. Voilà. Ok. Alors Baudan, déplacement de 1, ça ira. Antonin, tu n'en as pas, je pense. Si vous voulez le faire de manière discrète, il me faudrait au moins 2. D'accord. Bon. Tous mes mensonges n'ayant pas marché, étant très peu convaincant. Donc je vous laisse me dire comment vous voulez générer ou avoir des réussites. Donc ça fait 3. Un jet d'action, c'est ça ? Ouais. Oui, bah écoute, on va utiliser de... Alors en vécu, là, je vois pas bien... Ouais, éventuellement, si, j'ai l'habitude de me faire... Ouais, t'as l'habitude de faire discret. Hein. Voilà, exactement. Bon, ça... Mais le problème, le vécu, c'est que c'est un succès par défaut, c'est ça ? Ouais, un point, un succès. Donc tu peux en cramer 2 si tu veux. Moi, ça me va. Et ben écoute, on va faire ça. Je vais cramer 2 points de vécu et du coup, ça me fera mon 3ème puisque celui de tout à l'heure, tu l'avais pas retiré. Donc, je vais cramer 2 points de vécu pour cette action-là, me basant effectivement sur le fait que j'ai plutôt l'habitude de passer assez inaperçu. Ok. Et donc, voilà, je vais agir très calmement et de manière parfaitement sereine, comme si tout était normal. Donc, vous allez détaler en dehors de l'appartement, peut-être même en dehors de l'immeuble, alors que Vlasta, tu tombes un peu dénu, Pavel qui est face à toi. T'auras peut-être été perturbé par ces documents qui sont affichés au mur où t'as entreaperçu ton nom. Après, il avait arraché la photo, je crois. Il a dit. Il a arraché la photo, mais tu vois des documents, des rapports en fait, des rapports de la direction de la sécurité qui portent ton nom. Je l'observe, j'imagine que ça se voit qu'il va être attiré par ça en voyant son nom. Ouais. Et oui. D'un peu loin, je lui dis ça vous dit quelque chose ? Je fais un peu l'ignorance. Hein. Non, rien du tout, et je commence à feuilleter les documents. Ok, et à ce moment-là, bah, tu vas jeter un coup d'œil une nouvelle fois, et là tu vois que les autres ont détalé. Est-ce que tu dis, bon bah tant pis, ou est-ce que tu restes sur les docs ? Bah oui, vu que je vais rester sur les docs, me disant, de toute façon j'ai leur description physique, je vais les dénoncer à l'administration, et je vais faire boucler tout le secteur. Quoi. C'est vrai, donc ça va faire bien monter leur jauge de track. Oui, Ouais, je vais t'exploser l'horloge là. Vlasta, tu lis consciencieusement les papiers qui sont affichés au tableau et tu pourras lire que ce sont tous des rapports qui sont sur des enquêtes que tu as menées qui t'ont été retirées. Mm-hmm. Tu les connais très bien, ces enquêtes, et t'en gardes un goût amer. En fait, toutes ces enquêtes-là, elles ont eu pour effet chez toi de lever des doutes sur ce que tu étais en train d'enquêter et sur les personnes impliquées. Tu es consciencieuse dans ton travail, tu restes fidèle au diktat qui est là et qui sait mieux comment gérer la situation avec l'artefact. Mais toutes ces enquêtes-là avaient l'air, en tout cas, sans en avoir eu les preuves, d'impliquer le diktat. Oui. Et au moment où je trouvais les preuves, je me faisais retirer l'enquête à chaque fois, c'est ça ? C'est ça. Et là, j'ai la confirmation que mes enquêtes... Si j'avais pu pousser les enquêtes, j'aurais découvert des... T'as trucs. Pas la confirmation, mais en tout cas, ça est affiché là, dans quelqu'un qui habite un immeuble de banlieue et qui semble avoir réuni tout ça. Oui, mes convictions sont en train de tomber. D'accord. Je me demande même si Baudin n'était pas finalement quelqu'un de bien. T'es tombé bien bas. Ah, bah voilà. Non, tu n'es pas là, tu t'es barré. Je ne le dirai jamais. Je ne le dirai jamais face à toi. Oui, bah, je suis complètement perturbé. Je prends les papiers les uns après les autres, je les relis. J'écoute, mais c'est un peu comme si j'étais ailleurs, quoi. Okay. J'essaye du coup rapidement de récupérer tous ces papiers. Du coup, je vais demander à Pavel, est-ce qu'il va partager ou non la photo ou il va la garder pour ouais. lui ? Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que voyant qu'il est... Je suis discret, mais j'arrive peut-être quand même à bien cerner la personnalité. Mm-hmm. Et je vais poser d'une main assez ferme la photo sur le bureau, sur les papiers qu'il est en train de ranger. Il y a peut-être quelque chose à m'expliquer, mademoiselle Yanov. Donc je rappelle une photo de toi avec un mot marqué, avec un message marqué proche du seuil. À nouveau le rond barré trois fois et à l'arrière de la photo les dates des rapports, des enquêtes qui t'ont été retirées. Du coup, ouais, mais est-ce que je peux quand même comprendre proche du seuil C'est nébuleux. Non, ça pour toi c'est cryptique comme phrase. Tout comme les phrases que tu as pu apercevoir de marquer contre les murs. Et là, pardon, c'est le joueur qui parle du coup là. Oui. Comme je comprends qu'on m'a retiré des enquêtes parce que j'allais découvrir des choses qu'il fallait pas que je découvre. Comme c'est marqué proche du seuil, est-ce que je peux pas faire le lien ? Tu vois, proche du seuil, pour moi, c'est peut-être proche de la vérité du coup. Non. Non, je peux pas comprendre. Tu peux te laisser croire ça en tant que personnage. Ça, oui, effectivement, ça pourrait être ça. Mais le seuil est marqué avec un S majuscule. Ouais, voilà. Ok, j'ai les larmes aux yeux, je me tourne vers Pavel, et je lui dis, mais vous avez trouvé ça ici ? Oui, c'était quand j'allais chercher le trou, comme vous me l'avez demandé, je suis tombé sur ce tableau. Mais moi, je suis fidèle au dictat, à l'administration, pourquoi je suis affiché ici ? Je n'en sais rien, c'est bien la question que je vous pose. Non, mais il faut me croire, moi je suis fidèle à l'administration. En fait, j'aimerais que la situation s'inverse, que Pavel... Du coup, j'essaie de me justifier auprès de Pavel que je suis quelqu'un de... Ah, Pavel, il a quand même des doutes. Après, tu pleures, ça a l'air vraiment sincère ou... Bah oui, je suis sincère. Je suis pas à pleurer, j'essaie de me contenir, mais j'ai larmes aux yeux. Bah, j'imagine que ça se voit quand même. Mm-hmm. Du coup, je relâche un petit peu mon regard inquisiteur de fonctionnaire. Oui. Écoutez, mademoiselle Yanov, ne vous mettez pas dans un état pareil. Est-ce que vous pouvez au moins m'expliquer de quoi il s'agit ? Tout ça, c'est des rapports d'enquête. Des rapports d'enquête que j'ai menés et qui m'ont été retirés par l'administration. Qu'est-ce que ça fait ici ? Je ne sais pas, mais... Et là, je me retourne, je regarde, je m'aperçois que Antonin et Baudin ne sont plus là. Écoutez... Ce cher camarade Slezak m'a dit tout à l'heure que nous étions dans le même camp et que c'était le même camp qu'Herbert. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Toi, tu vas peut-être plus penser directement à la résistance. Vous êtes résistant, Pavel ? J'ai l'air choqué. Moi, je suis fidèle à la... Je range mon arme à ce moment-là. Non, mais Pavel, vous pouvez me parler. Vous êtes assez hésitant. Bah vraiment, mais il m'est arrivé de faire passer quelques dossiers à la demande de certaines personnes. Je n'en sais pas plus. Le fait est que je me souviens du dossier de cet objet que vous appelez micro-ondes, qui est un... J'ai oublié ce que c'était, quantique. Micro-ondes quantique. Un micro-ondes quantique. Ouais. Et ce cher Antonin avait l'air extrêmement pressé de l'étudier. Alors, je ne sais pas s'il est de la résistance dont vous parlez. Je n'ai aucune idée, bien évidemment. Bien sûr. Oui. Mais visiblement, il était de mèche avec Herbert. D'accord. Vous croyez qu'on peut rencontrer ces gens de la résistance ? N'en sais rien. Vous voyez, Pavel, citoyen Pavel, je me suis en train de me dire que je vais changer de camp. Pardon. Excusez-moi. J'entends rire à l'autre bout de la rue, là. Là, je me méfie quand même quand tu dis ça. Ouais, je me méfie. Je vais essayer un petit peu de discerner et savoir si t'as l'air de mentir ou pas. Changer de camp, voyons. L'administration et l'administration. Qu'est-ce que vous entendez par changer de camp ? Changer de camp, je ne sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que l'administration ne me dit pas tout, m'empêche de découvrir certaines choses et de résoudre, de faire mon travail, tout simplement, de citoyenne. Vous voyez, tous ces papiers, c'est la preuve. Je les ai tous récupérés, d'ailleurs, les papiers. C'est une preuve qu'il y a quelque chose de plus. Et quels étaient vos liens avec Herbert ? J'étais là pour une enquête. J'ai appris qu'il commerçait... Les business du rez-de-chaussée t'ont appris qu'il y avait quelqu'un dans l'immeuble qui, visiblement, pouvait rendre des services. C'est ça. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des tickets de rationnement, des utilisations de coupons de rationnement supérieurs au budget prévisionnel, des productions qui étaient déclarées qui sont introuvables dans les stocks, un taux anormal de déclaration de reconnaissance ponctuelle des citoyens. Voilà, donc, je suis venu dans ce quartier pour essayer de résoudre tout ça. D'accord. Je comprends. Bon, pendant que eux ils sont en train de faire leur causa, et là nous on est du coup dans la rue en basse, ça, Noralbas. Ouais, je vais attendre de voir si Vlasta, Pavel, vous avez terminé, et puis on va clôturer sur une série de scènes. Écoutez, mademoiselle, effectivement, ce cher Herbert avait l'occasion de rendre des services, et voyez-vous, il y a quelques jours de cela, il avait proposé de me rendre l'un de ses services. Et ce matin, tout comme vous, je l'ai retrouvé mort dans son appartement. Traité avec la pègre, je pense. Et là, je sors les papiers que j'avais planqués tout à l'heure. Et je lui tends. Et une fois qu'elle les a lus, je dis, vous vous souvenez de ce papier que vous m'avez montré tout à l'heure, signé de la lettre P ? Oui. Il s'agissait d'un mot que j'ai déposé sous sa porte il y a 2 siècles environ. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. C'était bien vous. Pardonnez-moi de vous avoir menti, mais à ce moment-là, je ne savais pas qui vous étiez. Il me semblait que j'avais dit que j'étais de la police à ce moment-là. Oui, mais les permettez quand même de douter un peu de l'honnêteté des citoyens, parfois. Oui, mais oui, je comprends. Bon, Pavel, vous m'avez beaucoup aidé sur cette affaire. Et rien ne sera retenu contre vous. Si vous pouvez collaborer avec l'administration pour essayer de retrouver Antonin et Bodan, l'administration sera vraiment reconnaissante. Bien évidemment. Bien, oui, je vous aiderai. Bon, je vais faire mon signalement, du coup, malgré mes doutes. Ouais. Antonin, Bodan, vous allez donc précipitamment quitter les lieux, quitter l'immeuble. Ok. Oui. L'idée, c'est d'essayer de. Bah là, bon. On a essayé d'être rapide pour pas se faire prendre. Et par contre, oui. Dès qu'on est sur le pas de la porte, je dirais de l'immeuble, moi je me retourne vers Bodan et je m'adresse à lui directement. Qui êtes-vous vraiment ? Dites-moi. Je lui dis, je ne suis qu'un misérable qui ne sait pas mentir. Par contre, j'ai avec moi un carnet, je le sors et je lui montre, qui pourrait expliquer comment fonctionne cette machine. Il faut qu'on s'enfuit au plus vite et qu'on essaye de la faire fonctionner. Parce que c'est la seule chance qui me reste pour... Et Herbert étant mort, il devait... En fait, il m'a donné l'identité de Bodan Ruth et j'ai besoin... J'ai besoin de me sortir de là, quoi. J'ai besoin de changer de vie, quoi, de devenir quelqu'un, quoi. Donc je monte ce carnet et quelque part, pour le coup, j'essaye pas de mentir. J'ai un regard suppliant, lui disant emmenez-moi avec vous, quoi. Enfin, il faut qu'on marche tous les deux ensemble si on veut s'en sortir, quoi. Très bien, je vous crois. Du coup, allons chercher un endroit discret pour étudier cet appareil. Ok, tu me crois. Cool. ça me suffit, moi. Ok. Parfait. Donc, on va enchaîner sur une série de scènes pour finir la partie. Où Antonin, Baudin, dans la rue, vous décidez d'un commun accord de suivre le même chemin. Et quand je dis chemin, c'est celui d'en apprendre plus, toujours en quête de vérité sur ce qui s'est passé. De l'autre côté de la rue, une petite sueur froide vous parcourt alors que vous apercevez une berline noire, une voiture quantique, assez peu visible dans le coin et qui fait tache dans le décor. Ce genre de berline dont on imagine qui la conduit. Personne n'en sort et vous continuez votre route. Vous partez dans les ténèbres plus profondes de la banlieue et cherchez à trouver refuge. On va avoir une nouvelle scène où on va apercevoir un fourgon qui va arriver pilé devant l'immeuble de la banlieue. De là vont sortir une troupe d'hommes et de femmes en armure qui vont se précipiter à l'intérieur du bâtiment. Juste avant ça, Vlasta, Pavel, qui auront discuté, s'apprêtent à sortir. Et Pavel, tu vas apercevoir, montant de l'escalier, deux hommes. Des hommes que tu connais bien. Ils te regardent avec un sourire malsain, mauvais, et ils t'auront juste lancé « Alors Pavel, c'est maintenant ou jamais !» Et tu le vois sortir une arme. Vlasta, comment tu réagis à ça ? Je sors aussi mon arme et par réflexe, je me mets devant Pavel. Je fais la sommation habituelle de policier sans tirer. L'homme tient. Tu prends une balle qui vient te saisir et te lance un éclair de douleur. Tu n'es pas encore passé de l'autre côté. Tu as le moyen de réagir si besoin. Il s'apprête à tirer sur Pavel. Bah, je tire en défense, quoi. Je touche, je tire par réflexe. Tu as zéro en combat. Est-ce que tu veux utiliser un point de vécu ? Bah ouais, j'ai suivi une formation de tir. Donc dans la chute, tu vas lui mettre une balle. L'homme va s'effondrer au sol. Le deuxième sort lui aussi son revolver et te tire dessus, Pavel. Tu t'effondres. Vlasta, toi, t'es agonisante. Nouvelle scène où on voit à nouveau les chaussures, les crampons des chaussures, des bottes noires qui viennent frapper le sol de l'immeuble et qui, dans un bruit saccadé, montent les escaliers. On a une nouvelle image de Antonin et Baudan qui regardent les ombres à gauche, à droite, qui s'assurent de ne pas être suivis, qui essaient de repérer à nouveau cette berline noire et finalement non, et prennent une ruelle, passent une porte, disparaissent pour de bon. On revient sur l'immeuble où les hommes et femmes de la garde noire arrivent au deuxième étage, aperçoivent deux corps au sol, celui d'un mafieux de la pègre et celui de Pavel, les yeux fermés. Vlasta, tu es adossé, toi, contre un mur, tenant ta main plaquée sur ta blessure. On aura une dernière scène où on apercevra des hommes et des femmes en tenue impaire, qui leur tombe jusqu'aux genoux, feutre noir vissé sur la tête, et qui sont dans l'atelier de Herbert. On les verra passer en revue les quelques documents qu'ils trouveront. On apercevra, entre autres choses, un fichier portant le nom de Slezak, entouré au feutre rouge Résistance, point d'interrogation. Et on verra un autre tenir une boîte dont le couvercle déplacé permettra de voir des documents falsifiés. Et pour qui saura, comprendra que ces documents appartiennent à la pègre. On aura une dernière image de l'artefact, Holomok, la banlieue, les faisceaux qui zèbrent le ciel et cette rue qui disparaît dans la brume. Auditeurs, auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode de la JDR Academy autour de l'univers de Notes. Et merci aux joueurs qui se sont prêtés à ce huis clos et auront amené l'histoire jusqu'à ce final dramatique. Les sons utilisés proviennent de la banque d'effets sonores de la BBC et du site freesound.org. La musique, quant à elle, est l'album Sleepy Town of Winter de Dead Melodies. À bientôt pour de nouveaux podcasts jeux de rôle.